Bon, la conférence de ce soir qui est apprendre à dire non. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté longtemps. Je suis pas tout seul, je pense. Et c'est aucune importance. Aucune importance. C'est ça, dans le fond. Hein. Ce sera facile de dire quand on gagne, c'est plus facile. Mais si on regarde le mécanisme en arrière de ça, si on regarde l'enfant qui, à un moment donné, dans sa crise de négation, à un moment donné, dit non à sa mère pour garder ou trouver son identité, finalement, se détacher de l'identité de sa mère. Et c'est comme si, à un moment donné, à l'âge adulte, en sorte, ce serait mieux de le faire avant, je suis d'accord. On a aussi à dire non à la collectivité pour aller vers notre individualité. C'est comme une autre étape qu'il faut franchir. Sinon, je pense que, tu sais, des fois, on dit non, mais moi, je me rappelle, en tout cas, je veux parler des expériences personnelles, on va laisser ça général, mais souvent, on dit non à quelqu'un et par le fait qu'on a dit non, on sent qu'on lui a donné un choc trop fort. Là, on est porté à recorriger et on dit un non qui veut dire un non oui. T'sais? Fait que ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie dans ce mécanisme-là automatiquement. T'sais? Alors, j'aimerais s'asseoir que tu nous parles de l'énergie qu'on peut aller récupérer quand on sait quand dire non, quand on sait quand dire oui. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à aller chercher en énergie là, à ce niveau-là. Tu veux que je te parle de ça? Ou quelque chose de plus intéressant? Non. Ça commence bien. Donc, tu parles de ça. Bon. Alors, effectivement, aussi facile à écrire non, aussi facile à écrire oui, beaucoup plus facile à dire oui que non. Lorsque l'humain commence à prononcer le mot non, comme le disait Guy, c'est lorsqu'il commence à découvrir sa propre identité. Et étant donné que l'éducation est une éducation qui est collective, qu'elle soit dans la famille, qu'elle soit au niveau social, qu'elle soit militaire, religieuse, morale, philosophique, elle tend à interdire à l'humain cette individualisation. Alors, lorsque l'enfant découvre qu'on lui interdit d'être lui, d'avoir ses propres pensées, d'avoir ses propres émotions, d'avoir ses propres désirs d'expérience, il se doit de développer un mécanisme de protection qui va être le non. Alors l'enfant dit non. Mais lorsqu'une personne dit non, elle s'individualise, elle se détache. Et si elle se détache, cela veut dire qu'elle devient moins manipulable. Étant moins manipulable, cela veut dire qu'elle fuit le pouvoir de manipulation qu'a celui vers lequel le non est dirigé. Si on parle de l'enfant, cela veut dire que lorsque l'enfant dit non à ses parents, il se désassujettit de la manipulation de ceux-ci. Coupant la manipulation des parents vers lui, il s'identifie, donc il se prend en main. Mais les adultes ont appris à s'identifier dans ce pouvoir qu'ils ont de manipuler les autres, en l'occurrence leurs enfants. Un père ou une mère qui se respecte éduque, c'est-à-dire dirige les enfants. Pense pour eux ce qui est bien, pense pour eux ce qui est mal, pense pour eux ce qu'ils aiment, pense pour eux ce qu'ils n'aiment pas. Et les instruire à devenir du monde convenable, du monde normal. Lorsque l'enfant dit non, en plus de s'identifier, il exprime par le fait même que ce que les parents ou ce que les autres veulent lui amener ne fait pas partie de sa conscience à lui. Étant donné que l'être humain est un être collectif, que l'être ancien est l'homme ancien, la femme ancienne et l'enfant ancien sont des êtres collectifs, le fait que quelqu'un ne veuille pas embarquer dans la collectivité consciente où le parent, dans lequel le parent vit, où le parent fait partie, cela veut presque dire pour le parent que sa conscience collective n'est pas bonne. Alors si quelqu'un vient frapper à ma porte et il me dit « Je t'amène la bonne nouvelle » et moi je lui réponds « Non ». C'est un peu comme si je lui disais que sa bonne nouvelle n'en était pas une. Alors qu'en réalité, je veux lui dire non. Je veux me couper de lui. Alors, le non est frustrant pour celui qui l'entend et bénéfique pour celui qui le dit. Bénéfique parce qu'il force son identification, donc sa libération. Et frustrant ou insultant pour celui qui l'entend, pour la simple raison qu'il a l'impression, lorsqu'on lui dit non, que ce qu'il amène n'est pas bon et que lui est en tort. Je donne un exemple plus facile à comprendre. Dans le couple, souvent, lorsque l'un des deux conjoints demande quelque chose à l'autre et que l'autre lui répond non, le premier va se faire une philosophie de la vie qui va être celle-ci. Bon, ben, je te demanderai plus rien, c'est toujours non. L'autre devra donc essayer de lui expliquer. Non, tu peux me demander des choses, sauf qu'il y a des fois que ça ne me tente pas. Ça ne te tente jamais. On le sait, avec toi, ça ne te tente jamais. Alors, le non a frustré et on essaie quand même de récupérer par manipulation l'autre, alors ce qui fait qu'on essaie de forcer l'autre à transformer son non en oui. L'un des mécanismes les plus dangereux chez l'humain, c'est ce mécanisme de manipulation par culpabilité. Vous ne pouvez pas dire non parce que vous allez frustrer, vous allez faire mal à l'autre. Et au nom de se faire mal à l'autre, vous devez donc dire oui, même si vous faites mal à vous. Il faudra qu'un des deux parties souffre, autant que ce soit l'autre. C'est intelligent. Parce que si c'est vous qui va vous prendre en main pour vous rendre la vie moins souffrante, personne. Et vous n'aurez pas le temps de vous occuper de vos affaires parce que vous allez être occupé aux affaires des autres parce que vous allez leur avoir dit oui. Chaque fois que vous dites oui à quelqu'un, c'est de l'énergie que vous lui donnez et c'est souvent du temps. Et même de la matière que vous lui donnez. Est-ce que cela veut dire que l'on doit cultiver le non? Non. Cela veut dire qu'on doit sortir de la culture du oui et ne pas tomber dans l'autre extrême. Être capable de dire non au niveau humain, c'est déjà être capable de s'identifier, c'est donc déjà être capable de couper des limitations, des manipulations qui nous obligent à faire de notre vie une vie qu'on ne veut pas faire. La majorité d'entre les personnes qui se conscientisent ont toujours derrière eux une vie qui, dans l'ensemble, aurait pu être autre chose, selon eux. Ça ne veut pas dire qu'elle leur déplaît nécessairement, mais ça veut dire qu'ils ont une vie presque d'emprunt. Ils n'ont pas la vie qu'ils auraient voulu faire. Habituellement, c'est parce qu'on a dit des oui là où on aurait dû dire des non. Oh, je ne fais pas juste parler de ceux qui se sont mariés. Je parle de beaucoup d'autres cas. Le mariage, c'est une bonne chose. Lorsque l'on sait ce que l'on fait. Le mariage peut devenir une bonne chose si on n'a pas su ce que l'on faisait. Mais de toute façon, on n'a pas la vie que l'on aurait voulu. Alors, est-ce que ça serait le temps, à un moment donné, de penser à avoir une vie plus résonante? Avec ce qu'on a besoin, au lieu d'avoir une vie résonante avec ce que les autres ont besoin. Je donne souvent cet exemple, je le redonne encore parce qu'il est extrêmement important. Tu sais que si moi je m'occupe de Guy, que Guy s'occupe de moi, on est altruiste, on est humain, on est serein apparemment, tout est merveilleux. Lorsque moi je donne à Guy ce que moi j'aimerais avoir, mais que Guy ne veut rien avoir, ne veut rien savoir, je lui donne des choses qui ne comblent pas son bonheur, son manque de bonheur. Alors, automatiquement, Guy est malheureux et Guy va essayer de trouver chez lui ce qui lui manque. Et pour bien s'occuper de moi, il va me donner ce qui lui manque. Ce que moi, je n'ai pas besoin. Alors, je m'occupe de Guy à ma façon, il s'occupe de moi à sa façon. Et tous les deux, à un moment donné, on va en arriver à se maudire l'un l'autre parce que lui ne me comprend pas, parce que lui devrait savoir, parce que lui est imbécile, parce que lui, etc., etc., etc. Et lui pourra aussi me traiter d'un paquet de noms pour la simple raison qu'on sera tous les deux en dissonance. Si un jour je décide de dire à Guy que je m'occupe plus de lui et que moi je m'occupe de moi, alors on va dire de moi que je suis égoïste. M'occupant de moi, je deviens en plénitude, ce qui fait que je libère Guy. J'ai plus besoin de lui. Lui, libéré de moi, peut donc mettre ce temps à s'occuper de moi, à s'occuper de lui. Alors, vu qu'il n'a plus besoin de s'occuper de moi, il s'occupe de lui, ce qui fait qu'à un moment donné, il devient lui aussi en plénitude. Alors, il est parfaitement parfait, dans le sens humain des mots, et je suis moi en plénitude de vie, je suis serein, et je ne dépends plus de Guy pour être bien, je ne dépends plus de Guy pour être moi. Ça, c'est couper la conscience collective. Cela veut dire que je ne demande plus à Guy comment je devrais me sentir, je ne demande plus à Guy comment je devrais penser, je ne demande plus à Guy comment je devrais m'habiller pour lui faire plaisir. Je dis à Guy que si tu es malheureux quand lorsque tu me vois, ça te regarde. C'est comme un peu le principe d'Adam et Ève. Ça regarde Adam et Ève, ça regarde pas l'humanité. Bien que génétiquement, il y a eu un processus, disons, de réincarnation de leur connerie. Et ça ne s'est pas passé comme on explique dans la Genèse, évidemment. C'est passé un peu différemment, quoique c'est bien figuré dans la Genèse. Mais Adam, c'était un peuple, et Ève était la femelle de ce peuple. Lorsque l'humain se prend en main, il y a deux formes d'égoïsme. Il y a un égoïsme où vous prenez vos propres énergies pour vous. Et ça, c'est un égoïsme intelligent, écologique, parfait. Et il y a un égoïsme où on veut prendre l'énergie des autres pour soi. Et ça, c'est inharmonieux, inintelligent, inécologique, imparfait. Alors, l'humain fonctionne de quelle façon? Parce que l'humain ne veut pas être égoïste. L'humain devient altruiste. Et dans ce mécanisme d'altruisme, bien souvent, il suce l'énergie des autres parce qu'il reste égoïste. Être capable de dire non, ça ne veut pas seulement dire être capable de dire non à quelqu'un. Ça veut dire aussi être capable de dire non à des manipulations. Ça veut dire être capable de dire non à des plans astraux, à des plans reliés au monde des morts, à des plans reliés au monde des mémoires, au monde de l'émotion, qui essaient sans cesse de vous manipuler. Ça veut dire être capable de vous déconnecter d'une conscience collective, rassurante, sécure, mais fausse, pour arriver à vous connecter à une conscience individuelle, la vôtre. Conscience que vous allez découvrir, donc qui est neuve, donc insécure parce qu'inexpérimentée, mais vraie. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Lorsque l'humain se pose cette question, lorsque l'humain s'assoit sur son siège et qu'il se demande « Qu'est-ce qui est bon pour moi? Véritablement bon pour moi? » Alors, il y a des réponses qui défilent dans sa tête. Et ces réponses peuvent être générées par ce contact avec la conscience collective. C'est-à-dire, ces réponses peuvent être générées par son instruction, par sa morale, par les limitations qu'il a expérimentées dans le monde humain dans lequel il vit. Alors, si l'humain se dit « qu'est-ce qui peut être bon pour moi? » L'humain peut se répondre « Pour moi, ce qui peut être bon, ça peut être d'aider les autres. » Réponse collective. On instruit les enfants, on instruit l'humain à aider les autres. « Moi, je veux bien vous instruire à m'aider. » Comme ça, je pourrais m'asseoir, rien faire, et je pourrais vivre comme il faut. Alors je dis, j'ai faim. Vous devriez me donner un peu d'argent. J'ai faim, je souffre, c'est de votre faute. Alors vous vous sentez mal à votre conscience et vous me donnez un peu d'argent pour pour vous sentir bien dans votre conscience. Et moi, ben moi, je me fous carrément de la conscience. Moi, j'ai de l'argent, je mange. Et après ça, j'ai dit, c'est plate. C'est plate de vivre avec vous autres parce qu'on s'ennuie, on ne fait jamais rien. Je vous force donc à innover, à inventer des jeux, à inventer des sports, à venir me distraire, à vous occuper de moi, à perdre de votre énergie pour moi. Sinon, encore une fois, vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous sentir mal dans votre conscience. Pour bien vous sentir dans votre conscience, ben vous allez faire un effort pour venir m'aider. Alors qu'en réalité, vous ne m'aidez pas, vous me nuisez parce que vous m'empêchez totalement d'apprendre à me prendre en main. Vous me faites passer le temps et vous passez le vôtre. Vous souffrez, je poursuis ma souffrance parce que continuellement j'ai peur qu'un jour, vous allez cesser de vous occuper de moi. Je souffre de cette peur. Et vous souffrez parce que continuellement vous fonctionnez à l'envers de vous-même. Manipulé par la souffrance que j'instaure et instruis chez vous, de façon à pouvoir vous manipuler et à vous garder comme esclave. Et c'est comme ça que les sociétés fonctionnent. Toutes les sociétés, toutes, elles ont fonctionné comme ça et elles fonctionnent encore comme ça. Et pendant un laps de temps, dans certains, plusieurs pays, ça va continuer comme ça. Mais là où il y aura des humains, là où il y aura des hommes et des femmes qui prendront conscience de la souffrance générée par l'assujettissement collectif, lorsqu'il y aura des humains qui seront capables de dire non dans leur conscience à des mécanismes qui ne sont pas pour eux, peu ou pas, le peuple change. Et les gouvernements changent quand le peuple change. Être capable de dire non, cela veut dire que je m'assois sur moi-même et je me demande qu'est-ce qui est bon pour moi. Chaque fois qu'un humain daigne vient se poser cette question-là plus qu'une fois, il a des réponses. Il y a des réponses qui ne viennent pas de son éducation, il y a des réponses qui ne viennent pas de sa mémoire, qui ne viennent pas de l'assujettissement à la conscience collective. Alors, il ne dit plus, peut-être qu'au début, il va dire, aider les autres. Alors, il poursuit, est-ce que ça, c'est réellement bon pour moi? Ben, commence par t'aider, t'aider les autres après. C'est ajusté. Qu'est-ce qui est bon pour ma santé? Vous allez voir un paquet de réponses défiler. Lorsqu'une personne a la volonté, l'intelligence d'écrire ses réponses, parce que l'être humain oublie, on se charge de lui faire oublier. L'être humain écrit ses réponses, et après ça, il se dit, « Ben, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que le monde va penser? Ah ben ça, je peux pas faire ça. Ma femme voudra pas. » Ou mon mari va dire, « Que je suis fou. » Ça ici, ah peut-être, ça s'ennuie pas trop les autres. Bon. Ça ici, non, pas ça, ça, ça, oui, non, ça, ça, non. Alors, ce qui fait qu'à travers les réponses intelligentes qu'on a eues, souvent on me demande, d'où prenez-vous votre savoir? Je le prends à la même place que vous pouvez le prendre. Sauf que vous, vous refusez d'aller le chercher parce que ça va automatiquement vous obliger à changer les choses et ça va surtout obliger votre orgueil, donc votre ego, à s'écraser. À se mettre à genoux devant votre esprit, donc à se mettre à genoux devant votre intelligence. À se mettre à genoux devant vous réel. La farce, l'illusion, l'identification fautive qu'on a de soi devra s'éteindre. Et ça, on ne veut pas. Parce qu'on n'est pas sûr, parce que c'est souffrant. Autant rester identifié dans quelque chose d'imparfait que de risquer une chose parfaite. Alors l'humain est là, puis là, il fait des raies. Il élimine des réponses qu'il a eues. Parce que ces réponses ne lui conviennent pas égoïquement, c'est-à-dire émotivement. Et il doit être capable de dire non à ces tris qu'il va faire sur son papier. Pas juste dire non aux autres, être capable de dire non à ce qu'il y a en dedans. À ce qu'il le charrie, à ce qu'il le manipule régulièrement. Continuellement, l'être humain a la vibration de vouloir s'améliorer. Continuellement, mais intermittent, d'une façon intermittente. Et chaque fois qu'il décide, qu'il se restructure, qu'il se réenvisage, qu'il se revoit, il se rebâtit. Et après, ça a été reconstruit au niveau idéologique, au niveau structural. Il commence à éliminer des choses parce qu'il n'est pas capable de dire non à ce que son émotion vit. On peut en prendre des exemples. Est-ce que vous vous êtes vêtu ce soir en fonction d'une intelligence d'écologie? Est-ce que votre corps physique est harmonieusement bien vêtu? Ou si c'est plutôt votre corps psychologique, vos émotions qui sont bien vêtues? Il y a certains climats, l'été par exemple. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais suggéré au public qui venait aux conférences de venir en pantalon court et habillé à l'aise. Et à part quelques fous, tous les autres sont venus habillés, bien habillés. Donc, bien habillé, c'est quoi? C'est habillé propre. Habillé propre, c'est quoi? C'est habillé pour que tu restes pas propre longtemps quand il fait chaud. Et ça, habillé propre. Alors, l'être humain, émotivement, préfère ne pas aller dans un endroit où il aura chaud plutôt que de s'habiller pour être bien, parce qu'il sera dans un public qui pourra le juger, un public qui pourra dire « T'as-tu vu celui-là? » et un public qui va carrément oublier 2 secondes après celui-là. Fait qu'en fin de compte, ça ne change rien, mais l'être humain reste manipulé par cette conscience collective. Il doit se placer de façon à être bien physiquement, à être bien par la suite, émotivement, si ça regarde le physique en premier. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui serait bon pour vous, chacun d'entre vous? Parce que si vous vous asseyez et vous posez des questions, vous allez avoir des réponses. Et des réponses qui dénoteront une intelligence supérieure. Mais automatiquement, l'humain se vérifie les réponses qu'il a eues à ses mémoires. Chaque fois que l'être humain goûte à la vie, il vérifie la vie avec ce qu'elle a été, pour savoir s'il peut lui permettre d'être ce qu'elle est. Alors, l'humain, ayant accès à un savoir instantané, n'étant pas capable de dire non aux manipulations de ce savoir, il ira faire référence dans ses mémoires et là, il pourra dire « Non, telle chose, j'élimine, telle chose, j'élimine. » Pensez plus. Vous vous placez et vous dites « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien? » Suite. Mais pensez plus, faites-les. Vous allez faire des choses que vous allez regretter. Parce que vous restez assujetti à une conscience collective, donc vous allez faire des choses que par après, vous allez vous dire, j'aurais dû penser avant, non, j'aurais dû être relié collectivement, c'est ça qu'on devrait dire, j'aurais dû penser. J'aurais dû me retenir. Oui, c'est ça, retenez-vous, passez votre vie à vous retenir. Mais si tout le monde se retient, personne ne peut se libérer, sans être jugé. Puis si tout le monde se libère, personne ne peut se retenir, sans être jugé. Alors, c'est le même mécanisme, sauf qu'au lieu de le faire fonctionner d'une façon harmonieuse, d'une façon améliorative, on travaille d'une façon évolutive. Si tout le monde se libère, celui qui se retient va être jugé, donc il va se libérer parce qu'il est relié à une conscience collective. Mais ça dérange moins. Au moins, il va vivre correct. Il faudra le brasser aussi parce qu'il faudra qu'il arrive à avoir sa propre conscience. Mais présentement, non, personne ne se libère parce que tout le monde se retient. Être capable de dire non veut dire être capable de dire à tout ce qui tend à nous empêcher d'être soi. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire être soi? Être soi, ça ne veut pas dire exprimer l'apparence d'être soi. Certains, pour être soi, doivent être sous. Est-il possible d'être soi sans être sous, sans être drogué, sans être quelque chose? Est-ce que c'est possible d'être soi tout en ayant conscience d'être soi? Parce que normalement, l'humain essaie d'omnubiler sa conscience pour finir par être lui. Alors, lorsqu'il est chaud, il peut être lui. Mais il n'est même pas tout à fait lui. Il est tout lui, massivement concentré dans le temps qu'il est chaud. Fait qu'il devient collant, il devient tannant, il devient... Bon. Est-ce que c'est possible à l'être humain d'accepter d'être lui consciemment? Est-ce que vous êtes capable, seriez-vous capable d'avoir consciemment conscience d'être vous autres? Au lieu d'être consciemment conscient de toujours dépendre d'un cadre moral, d'un cadre d'éthique, d'un cadre collectif. Qu'est-ce qui nuit? On a des lois très intéressantes, très originales, parce qu'il y a deux formes de lois, savez-vous? Tout ce que le ciel a créé au niveau planétaire, ça s'appelle la nature. Tout ce que la nature exprime à l'échelle planétaire constitue les lois. Et parler de ces lois, ça, c'est enseigner. Moi, je fais de l'enseignement, de l'instruction. Mais je n'élève pas. C'est-à-dire que je ne fais pas d'élevage. Je ne cultive pas non plus, je ne fais pas de culture. Et ces lois ne peuvent pas être changées. Parce que s'ils peuvent être changés, ce ne sont pas des lois. Et au-delà de ces lois, l'humain place ses propres lois. Et ces propres lois qu'il place sont là pour essayer de contourner les lois naturelles. Alors, il y a des lois de l'humanité, il y a des lois sociales, il y a des lois civiles, criminelles aussi. Comme par exemple, qui dit qu'on ne doit pas tuer. Rien de plus stupide qu'une loi comme ça. On ne doit pas tuer. C'est une loi. Et s'il y a une guerre, alors là, on change la loi. Si c'est pour aller à la chasse, faire un sport, ben la loi ne s'applique pas. Non, on est en train d'être civilisé. Il ne faut pas tuer d'humain. Si tu vas tuer la vache de ton voisin, on te poursuit en criminel, mais pas pour avoir tué. Pour avoir empêché le voisin de jouir de sa vache. C'est typiquement comme ça. C'est un bien que le propriétaire ne pourra plus se servir. On ne parle pas de tuer. Mais savez-vous qu'il n'y a pas grande différence au niveau énergétique dans le plan vital d'une vache, dans le plan vital d'un humain? Oh, l'humain a l'esprit, l'humain a d'autres choses, OK, mais le fait de tuer, c'est ôter la vie, c'est tout. Mais on a une loi qui interdit d'ôter la vie. Alors, si vous vous faites agresser dans une ruelle, vous pouvez peut-être pas ôter la vie. Là, il faudra qu'on regarde, qu'on observe, qu'on fasse un procès pour savoir si vous avez eu raison d'ôter la vie ou non, selon la loi. Parce que l'humain n'est plus capable de vivre selon les lois qui régissent son plan matériel, l'humain essaie de compenser par des lois qui essaient de revenir, qui essaient d'expliquer, qui essaient de restructurer d'une façon peut-être plus adéquate. C'est impossible, mais il essaie. Les lois naturelles. On a déjà eu une loi où on disait que le plus fort avait raison. Cette loi n'a pas changé. Le plus fort a toujours raison. Sauf que maintenant, le plus fort n'est plus catalogué à partir de ses muscles, peut-être à partir de ses connaissances légales, de ses avocats, de son pouvoir financier ou de ce pouvoir qu'on lui donne comme gouvernement. Parce qu'un gouvernement peut contourner des lois. Un gouvernement peut absoudre des lois. Un gouvernement est le plus fort et c'est lui qui va souvent gagner. Être capable de dire non, ça veut dire être capable de légiférer soi-même sur soi-même. Cela veut dire être capable, de prime abord, de s'appliquer nous-mêmes les lois. Ça se prendra en main. Comment on peut se prendre en main si on ne peut pas s'appliquer nous-mêmes des lois? Pourquoi ne pas passer sur un feu rouge de défaut de circulation? Mais pas parce qu'il y a une loi qui vient m'empêcher, qui me fait peur. Je me suis créé cette loi et maintenant je la respecte parce que moi, je la conçois. Mais les lois écrites sont là pour les humains qui ne peuvent pas s'auto-considérer comme des personnes individuelles. Ce sont des lois qui sont là pour la collectivité et la loi dans nos sociétés, elle est là pour remplacer les manques d'éducation. Tout ce que vous n'avez pas appris, que vous ne pouvez pas comprendre, on le met en loi. Comprenez-le, comprenez-le pas, c'est comme ça. Alors, l'être humain doit apprendre à dire non à tous ces mécanismes collectifs, même les mécanismes de loi. Si une personne veut en tuer cinq, moi je peux tuer la personne. Si cinq personnes veulent en tuer une, moi, je ne peux pas tuer les cinq personnes. Ça prend plus d'énergie reconstruire cinq personnes que d'en reconstruire une. Or, la loi criminelle fonctionne un peu comme ça. On parle de légitime défense. Mais là, le problème de la loi humaine, c'est qu'elle amène de l'importance à l'émotion que vous avez. Si votre famille veut tuer un gars, vous pouvez les protéger. Mais si cinq gars veulent tuer quelqu'un de votre famille, vous êtes prêt à tuer cinq gars. Donc, il y a encore là une désharmonie, un déséquilibre. L'émotivité de chacun vient créer ce genre de loi. Et c'est parce qu'on est collectif. Parce que si cinq individus veulent tuer quelqu'un de ma famille, si on regarde au niveau énergétique, je ne peux pas tuer les cinq. Je peux sauver celui de la famille, mais ne pas tuer les cinq. C'est stupide. Mais vu qu'on est relié au plan émotif, si cinq de ma famille veut tuer quelqu'un, je vais essayer de l'empêcher. Mais je n'irai pas tuer les cinq de ma famille pour sauver l'unique personne. Mais je suis prêt à tuer les cinq intrus pour sauver l'unique de ma famille. C'est ce que je veux dire par manque de voyance mentale au niveau des énergies. Vu que ça ne peut pas être vu convenablement par l'humain, on met des lois. C'est le même phénomène pour les guerres. On a, par exemple, des indigènes, ça s'est vu fréquemment, et là je parle d'indigènes pour ne pas viser aucun pays, où on a des indigènes qui descendent, qui tuent un ou deux blancs, parce que c'est les blancs qui se vengent, c'est rare que les noirs se vengent. Alors les blancs font une expédition punitive chez les Indiens et en massacrent un bon paquet. Parce que la loi le permet, la loi des blancs. La loi du plus fort, pas la loi du plus faible. Pas la loi d'harmonie. Alors les indigènes, s'ils reviennent encore en tuant un ou deux, même qu'il y a eu un temps où ce que les indigènes volaient une vache, et puis on allait tuer les indigènes, expédition punitive. Il n'y a pas une expression tout à fait humaine qui dit que la guerre, c'est la guerre. Donc on peut s'absoudre des lois. Lorsque les Américains ont été pilonnés la Libye. Non, ils ont tué des enfants. Ils ont tué des innocents. Non, il n'y a pas d'innocents sur la planète. Ou bien, ils sont tous innocents, un ou l'autre. Mais ils ont tué des humains qui, comme tels, n'ont rien à voir avec le but militaire de l'opération, le but militaire vanté, celui de restreindre le terrorisme. Mais que voulez-vous? C'est ça. C'est la guerre. Lorsqu'une bombe tombe, il y a toujours les vents qui poussent ce qu'on veut pas, comme sur les ambassades françaises. Il y a toujours des choses qui se passent, puis il arrive toujours des principes qu'on ne peut pas trop connaître. Par contre, j'ai jasé avec un Vietnamien, moi, qui m'a dit que trois avions de chasse américains se promenaient au-dessus d'une petite ville du Vietnam. Le premier patrouillait pour observer l'horizon, et il a des radars qui lui permettent de diagnostiquer quel type d'avion vole à plus de quelques centaines de milles de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, et il est capable de tout savoir sur cet avion, sauf la couleur des sous-vêtements du pilote. Alors lui, il patrouille en haut. Je crois qu'il y a une trentaine ou quarantaine d'avions comme ça encore aux États-Unis, et on en fabrique un par trois mois. Bon. Pendant qu'un autre avion de chasse se mettait très, très loin, se dirigeait vers quelque part, dans la petite ville, et il émettait un rayon laser qui servait de direction au missile largué par le troisième qui se plaçait dessus. Et ce missile a traversé une pièce, il a brisé une vitre, petit missile de rien, il a traversé une pièce complète pour exploser dans le bureau où on voulait éliminer trois personnes. Et ça marche. Et par la suite, on dit, le vent pousse les bombes et on peut pas contrôler. On veut pas. Pourquoi on veut pas? Parce que la guerre, c'est la guerre. Donc, on démolit des lois. Mais si chaque être humain s'autogère lui-même à partir de ses propres lois. Mais attention, je répète qu'il y a deux formes d'ego ou deux formes d'égoïsme. Si vous avez des lois émotives, collectivisez-vous. On a fait les lois collectives pour ceux qui avaient des lois émotives. Si vous êtes capable d'avoir des lois mentales, des lois reliées à l'équilibre, des lois reliées à l'écologie, des lois conséquentielles, des lois harmonieuses, vous pouvez vous gérer vous-même. Donc, vous vous décollectivisez. Ce qui fait que vous êtes capable de dire non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous recevez une contravention que vous ne pensez pas mériter, vous la contestez. Mais rares sont ceux qui vont le faire. Pas au niveau collectif, la contestation, c'est que vous instruisez votre propre personnalité que vous êtes capable de légiférer vous-même sur vous. Étiez-vous correct ou non? Vous roulez à 105 km ou à 110 ou à 115 km à l'heure dans une zone de 100, sur une autoroute le soir où vous êtes seul, et là, il y a un policier qui vous donne une contravention, vous ne l'engueulez pas, il fait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que, selon vous, vous avez commis une imprudence? Est-ce que vous étiez un danger public? Est-ce que vous étiez un pollueur invétéré? Est-ce que vous étiez légiféré sur vous? Si vous vous sentez coupable par le fait que vous avez un billet, c'est faux, c'est stupide. Il y a eu un temps où la limite de vitesse était 60 000 à l'heure. On l'a descendu à 55 000 à l'heure. Si c'était bon un temps, c'est plus bon un autre temps. Puis là, on a des contraventions. Moi, je roule comme il me plaît de rouler selon le cadre écologique dans lequel je roule. Me légiférant moi-même et non pas par la collectivité, cela me permet de rouler à 120, 125, 130, 135, 140 là où ça me plaît, c'est-à-dire là où ça me plaît mentalement, là où je sais que c'est parfait. Et je roule à 30 km, pas beaucoup en mille à l'heure, dans des zones scolaires où c'est indiqué 30 km à l'heure et où il peut y avoir des enfants. Tandis que ceux qui apparemment respectent la loi roulent à 110, 115 sur l'autoroute et à 50, 55 dans les zones scolaires et à 60, 65 dans les zones de 50, là, même là où il y aurait du danger. Si chacun d'entre vous seriez capable de vous légiférer vous-même, lorsqu'il y a un autobus scolaire d'arrêter, il faudrait pas qu'on invente un stop qui vous flash d'en face. Faudrait pas qu'on mette un paquet de phénomènes. Faudrait pas demander au chauffeur d'autobus de se placer en travers dans la rue, pour boire à rue. Mais non, vous vous arrêteriez et vous comprenez, vous seriez capable de comprendre l'intelligence, de pas écraser des vies pour rien. Alors, on n'aurait pas besoin de mettre des lois particulières et d'augmenter. Prenons l'alcool au volant. Si l'humain est capable de s'auto-légiférer, s'il est capable de s'auto-régir, on n'a pas besoin d'amplifier. Ce n'est pas en mettant un humain en prison pendant 10 ans qu'on l'instruit à avoir une des lois propres à lui pour pas prendre de mots trop complexes. On le met en prison pour qu'il apprenne à développer sa morale, pour qu'il ait une conscience, qu'on dit. On le met en prison pour qu'il s'assujettisse à la conscience collective. Mais on ne le met pas en prison pour qu'il s'implante lui-même une conscience. On fait pas ça. Si moi je dis c'est la guerre demain, alors venez prendre vos fusils, puis tout le monde dit, ben voyons, non, ça a toujours été illégal de tuer. Oui, mais là, c'est la guerre. Ça change rien. Moi, sur le front, on m'en tue avec un ou deux. En gang, on m'en tue un paquet, fait qu'en gang, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, j'en tue un ou deux. C'est la même chose que dans la rue. Permettez-moi de tuer dans la rue, moi, les tuer. Ce sont nos ennemis. Ouais, ouais, c'est ça. Comme le voisin. Le voisin, il pile sur ma pelouse. Il casse ma haie. Il bat mon chien. C'est un ennemi, le voisin. Je peux pas le tuer. C'est pas un ennemi collectif. Je peux pas le tuer. Mais le Russe ou l'Afghanistan ou l'Afghan ou le etc. Si c'est un ennemi collectif, c'est-à-dire que c'est pas un ennemi à moi, c'est pas à toi, c'est pas un ennemi de personne ici, mais c'est un ennemi de toute la gang. Mais à personne personnellement, mais à toute la gang collectivement. Ça c'est un ennemi collectif. Vous le connaissez pas, vous avez jamais rien fait, mais vous pouvez le tuer. Ça c'est un ennemi collectif. Être capable de dire non. Pas parce qu'on a peur de la guerre, parce que s'il faut la faire, faisons-la. Mais être capable de dire non parce que nous, personnellement, proprement, ça vibre pas, ça va pas. Pas parce que j'ai appris que la guerre tuait. Pas parce que j'ai appris que la guerre était pas belle, la guerre était mauvaise. Non. La guerre, elle a souvent été bonne. Parce que la guerre, elle sert des fois à se défendre. Si les Juifs, dans leur camp de vacances, leur camp de concentration, auraient daigné faire la guerre, ça aurait été une bonne guerre. Parce que tant qu'à mourir, essayons de vivre. C'est écologique, intelligent. La gazelle fait la guerre au lion lorsque le lion saute dessus. Elle ne fait point fuir, elle se bat. C'est inégal à pair, mais elle se bat. Tandis que 300 soldats allemands armés jusqu'aux dents, donc très pesants, très sur deux, contenaient 1000, 10 000, 30 000 juifs. 30 000 juifs, quand ça décide de sortir, c'est pas 300 ou 400 soldats allemands qui vont les empêcher de sortir. Ah, il va y avoir 1000 juifs qui vont se faire tuer. Parfait. On va avoir 9000 qui vont s'en sortir vivants. Mais étant assujettis à la conscience collective, on promettait aux Juifs, lorsqu'ils embarquaient dans les trains, qu'ils s'en allaient vers des champs, vers des terres, où ils pourraient vivre en paix. On les déplaçait. Un peu ce qu'on a promis à nos Indiens ici. Et parce qu'on croyait, parce qu'on se refusait de vouloir envisager quoi que ce soit, parce qu'on préférait, tout le monde le faisait, tout le monde y allait, il n'y a personne qui est venu nous dire que c'était pas vrai. Fait que les Juifs y allaient. Il ne pouvait pas revenir. Il mourait à l'autre bout. Être capable de dire non à une guerre, c'est le même phénomène. On fait la guerre contre qui? Contre les Russes. Il y en a beaucoup qui ont peur des Soviétiques. Mais vous ne les connaissez pas. Vous connaissez la propagande des deux clans. J'ai fait de la voile avec un bonhomme assez intéressant, un capitaine de bateau, de voilier, qui me disait que lui, n'importe quand, il est prêt à accepter le régime communiste. Fait que lui, il serait prêt à aller voir les Russes et aller le dire. Fait que je dis, oui, mais il n'y a rien qui dit que le régime communiste est meilleur que le nôtre. Il dit, non, mais je ne suis pas prêt à aller voir les Russes et leur dire que je suis prêt à ce que les autres acceptent le mien. Fait, il n'y aura jamais rien. Parfait. Alors, vu qu'on est collectif chacun de notre côté, ben alors on se crée des égrégores, des propagandes, des formes pensées qui finissent par remplacer le contact qu'on aurait, qui finissent par remplacer la réalité. C'est sûr que les Soviétiques sont dangereux. Ils ont peur de nous autres. Puis eux autres peuvent dire la même chose. C'est bien évident que les Américains sont dangereux. Ils ont peur de nous autres. Celui qui aura plus peur attaquera en premier. Mais qui va se battre contre qui? Des collectivités. Alors, se désassujettir des consciences collectives, certains vont dire, oui, mais si tout le monde va à la guerre, j'aurais pas le même choix. Ça change quoi? C'est pas ça qui t'empêche d'être individuel dedans ta conscience. Ça change rien au niveau de la conscience, je ne vous parle pas de la forme. Si je décide qu'à 3h du matin, je peux passer feu rouge direct, essaye. En espérant qu'il n'y aura pas un autre conscientisé de ta manière dans la ville. Parce qu'à un moment donné, tu n'arrêteras pas sévère, toi. Hein? Ben lui, il risque de passer ses rouges aussi. Si on est mental, on comprend ça. Fait qu'on arrête. Ça veut-tu dire qu'obligatoirement, juste qu'on doit passer 5 minutes à attendre qu'un feu rouge passe vert quand il n'y a rien et il est 4h du matin dans une ville? C'est à vous de décider. Faut comprendre que l'être humain, je donne des exemples terre à terre au niveau de ces mécanismes-là. C'est sûr que l'être humain qui régit émotivement, il voit un auto de la police, puis il dit, ben, je passe pareil, hein, puis j'irai contester. Il marche émotivement, il veut se prouver qu'il a raison. Il veut se prouver qu'il est bon. Là, il est manipulé par la conscience collective, anti ce qui est établi. C'est collectif. Dans une école secondaire, il y a plusieurs années, il y avait des uniformes obligatoires, cravate, veston et pantalon de ville et souliers de ville. Les jeunes détestaient les uniformes, ils ont fait des grèves, ils ont tout cassé, puis à un moment donné, le directeur leur a dit « Parfait, la semaine prochaine, plus d'uniformes. » Ils sont tous arrivés bien en jean, tout en bien bleu. Toutes des rilinchous, toutes des culottes pareilles, toutes des côtes pareilles, toutes des chandails pareilles, toutes pareilles. Plus d'uniformes. Brillant, maudit. Puis depuis ce temps-là, ils sont plus d'uniformes. C'est ça la conscience collective. Eux autres ont une conscience anti ce qui est instauré. Mais pas anti-collectiviste. Absolument pas. C'est pour ça que les modes fonctionnent. Pourquoi un morceau de musique que vous aimez est plus bon parce qu'il est plus à mode? C'est ça. Vous aimez pas la musique, vous aimez être comme tout le monde. Être capable de dire non. Être capable de sortir son disque de Beethoven, le mettre sur sa table tournante, puis de l'écouter, puis de trouver ça beau. Puis quand tu invites quelqu'un, tu le caches pas. Mais c'est ça, être capable de dire non. Si l'autre te dit, si tu as de la musique pas mal bâtarde, hein, je te pensais pas comme ça. Bon, ben, pense-moi de même, parce que c'est comme ça que je suis. C'est ça, être capable de dire non. Là, il essaie de vous rentrer dans sa collectivité. Non, rentrez-le pas dans la vôtre. Si t'aimes pas ça, je peux arrêter le disque, mais moi, j'aime ça. Ah, ben, je te pensais plus Evie que ça. Je te dis de plus. Comment pouvais-tu me penser plus Evie que ça, hein, quand me voyais habillé dehors dans la rue? Fait que cesse donc de penser tout croche, puis du moment que tu vois quelqu'un, tu t'imagines qu'il est comme toi. C'est cesse donc. Mais dites-lui même pas ça, prenez votre disque, mettez-le là, mettez je sais pas quoi. Si vous n'avez pas de disque pour lui, ben demandez-y de l'amener la prochaine fois. Ben non, normalement, on va l'en acheter. Pour bien recevoir le monde. C'est une vraie farce. Être capable de dire non, ça, on est capable, par ce fait-là même, de ramasser tellement d'énergie pour soi qu'on en arrive presque à être heureux. On élimine un paquet de maladies, on élimine un paquet de fatigue, on élimine un paquet de stress. On apprend à se découvrir le potentiel qu'on cache parce qu'on l'obstrue par rapport à ce qu'on pense qu'on est, finit par sortir. Donc, on apprend à se découvrir. Apprenant à se découvrir, les autres finissent par apprendre à nous découvrir comme qu'on est, non pas comme qu'ils veulent qu'on soit. Puis, veut pas, ça force les êtres collectifs à un moment donné à faire comme vous autres. C'est impeccable. Alors, ils vont finir, eux autres aussi, par finir par penser que peut-être qu'il faudrait qu'ils pensent comme eux autres. Ils vont finir par être de plus en plus libres. Ils vont finir par être capables de dire non quand ça le tente pas, de dire oui quand ça le tente. Mais pas de dire oui toujours parce qu'ils savent plus. Être capable de dire non, c'est pas juste à autrui, je répète. C'est bien évident qu'il y a de temps en temps, faut dire non à ses enfants. Faut dire non à sa femme, non à son mari. Pas crier! Souvent, quand on dit non, on le dit toujours d'une façon tellement bête que ça double frustre la personne à qui on le dit. Pourquoi on le dit d'une façon bête? Parce qu'on est convaincu qu'un petit non ordinaire ne sera pas accepté. Fait qu'on l'appuie déjà. Lorsque j'étais à bord de mon propre voilier, il y avait un personnage qui me disait « Moi, j'ai fait une immense sculpture. » J'étais jeune à l'époque, et je t'ai demandé un jour si tu peux m'amener une hache. Il sculptait une immense tête de proue pour mon bateau. Ben, notre bateau. Alors, moi, j'avais dit que j'y fournirais une hache, mais je savais très bien que j'aurais pas le temps de commencer à chercher une hache. Fait qu'il me dit, pourquoi tu m'as pas dit non? Moi, j'ai dit, ben, je pensais que j'aurais le temps de t'en trouver une. Il dit, peut-être, mais ça aurait été mauditement mieux si tu m'aurais dit non. J'aurais pas passé 2 semaines à attendre que tu m'en amènes une. Je m'en suis trouvé une hache. Il dit, ça serait plus simple. Tu sais, on va marcher mieux. J'ai des émotions, j'ai tout ça, mais c'est pas ça qui règle mon affaire. C'est que là, tu sais, c'est pas un phénomène émotif, ça t'a-tu une hache. C'est un phénomène pratique. T'as-tu le temps de m'en trouver une? Non. Parfait. On va demander à quelqu'un d'autre qui a le temps. Si personne n'a le temps, je vais m'organiser. Si j'ai pas le temps, on fera caucus. Puis on dira, moi j'ai pas le temps, personne n'a le temps, fait qu'il faut qu'on fasse de quoi? C'est simple, hein? Ben simple. Mais il a passé 2 semaines à attendre que j'y amène une hache, puis moi j'avais pas le temps parce qu'il y avait 50 000 personnes, j'exagère toujours un peu, il y avait 50 à 60 personnes à l'époque, qui me couraient après pour que je fournisse un paquet de choses. Fait que moi je disais oui à tout le monde. Et puis, évidemment, il y a un paquet qui trouvait que j'étais menteur, que j'étais ci, puis que j'étais ça. Parce que 50, 60 personnes, tu peux pas arriver à te fournir ça. Sauf qu'il n'y a pas un seul qui est venu me voir pour me dire, tu sais, quand je me lève un matin, puis je fais le pas, je viens te voir, puis je te dis, Daniel, t'as-tu du temps pour parler? Ça te tente pas? Ben, dis donc non. Moi, je vais m'en aller puis me comprendre. Puis si t'attends, dis donc oui, on peut jaser. Puis si à un moment donné, t'es tanné, dis-le. Puis si je suis tanné, moi, te le dire. Fait qu'on se sentira pas frustré, toi et deux, là, puis on va se sentir libre. Génial. Parfait. C'est que pour passer plus de temps que ça, ça me tente pas de jaser avec toi. Puis s'en aller. Puis depuis ce temps-là, ben, moi, j'ai vécu, moi, tout mieux. Sauf qu'il y a un maudit phénomène qui va se passer, c'est que si vous vivez honnêtement avec vous, les autres vont essayer de vous charrier, les autres vont essayer de vous culpabiliser, les autres vont vous dire que vous n'êtes pas honnête avec eux. Alors, un matin, moi, je me lève, puis là, les enfants vont pas aller à l'école, puis « Hey, mes céréales sont pas prêtes! » Non, un matin, filait pas. Mais je t'ai sorti des cossins un peu, tout est là, pas de problème, puis je t'ai réveillé 10 minutes avant le temps. Fait que tu peux tout faire. Parce qu'on prend pas quelqu'un par surprise de même. Tu sais, la personne qui se lève toujours 5 minutes juste avant qu'elle parte, si c'est ce matin-là, vous décidez que vous y préparez rien, c'est évident qu'elle va arriver en retard. Elle peut pas bien aimer ça. Avertis-la. Préparez-la. Elle va chioler. C'est ça, le problème. Et au nom du chiolage des autres, on va accepter de se redéformer pour plaire à on sait plus trop qui. Parce qu'en fin de compte, on n'arrive jamais à être tout à fait zombie. On n'arrive jamais à être tout à fait l'esclave des nôtres. Alors, on l'est plus ou moins. L'étant plus ou moins, on est plus ou moins soi. Ce qui fait qu'on réussit jamais à plaire totalement à l'autre, puis on se plaît jamais totalement à soi. Fait que branchez-vous. Servez-vous ou servez autrui. Mais pas entre les deux. Si vous servez autrui, vous l'empêchez de se prendre en main. Si vous vous servez vous, vous le libérez. Il devra se prendre en main. Pas il peut, il devra. C'est ça le problème. C'est dramatique pour l'autre parce qu'il est obligé, il n'a pas le choix émotif, il n'a pas le choix égoïque, il n'a même pas le choix mental, il n'a pas le choix. Il devra faire son lavage, il devra faire ses céréales, il devra appeler son taxi, il devra se commander une pizza, il devra changer les postes, il devra se prendre en main. C'est sûr, puis le gros problème de ce mécanisme-là, mais ça économise de l'énergie d'une façon effarante, c'est ça. C'est que Guy me dit, veux-tu me donner de l'eau? Je dis, ben prends-en de l'eau. Mais normalement, quand on se sent comme ça, on est toujours bête. Prends-en de l'eau. C'est pas bon pantoute pour préparer l'autre. Mais remarquez que chaque fois qu'à un moment donné, vous avez l'énergie de dire non, c'est presque toujours bêtement. Frustrant l'ego, ça déclenche une guerre d'ego, l'autre va riposter. Oh, serre-toi-en. Je vois si t'es capable. Ça, c'est de l'ajustement, c'est de la diplomatie. C'est de l'hypocrisie. C'est ça, de l'ajustement. Alors, je lui dis, ben, serre-toi-en, je vois si t'es capable. Fait qu'il s'en sert. Ah, ben, t'es capable, ben, crime, j'ai de savoir ça. Enfin, prochaine fois, on va le savoir, hein. Moi, je suis capable, tu t'es capable. Tout bon. Là, il est fait. Puis la deuxième fois que tu lui dis, il te demande, peux-tu me servir de l'eau? Tu lui réponds, serre-toi-en donc. Mais voyons donc, là, qui c'est qui te prend? Ben rien, j'ai découvert que tu étais capable. On est capable tous les deux. Serre-toi-en. Puis là, les personnes vont dire, ah oh, ben tu vas pas me commencer ça. Là, je parle de l'eau, là, mais regardez dans les couples, puis regardez aussi au niveau des compagnons de travail, regardez au niveau de n'importe quoi. C'est pas parce que ça fait 5 ans qu'il promène le même voisin à son travail que lui a un droit acquis. Même légalement, ça prend 30 ans. Il n'y a pas de droit acquis. Mais on a toujours ce phénomène du droit acquis. Parce que au nom du fait qu'on a toujours agi comme ça, ou que l'autre a toujours agi comme ça, c'est un droit acquis. Il y a un de mes gars qui disait à un moment donné, comment c'est que le lavage n'est pas fait? Je dis, ben, crime, tu fais que salir, lave-les ton linge. Ben, crime, c'est à la mère de laver le linge. C'est ça un droit acquis. Ça n'a pas été acquis longtemps, remarquez bien, parce que maintenant, c'est lui qui fait son lavage. Mais le droit acquis, c'est le point clé qu'on va servir contre votre transformation pour vous empêcher de bouger. Être capable de dire non devient immensément important parce que c'est un pas fondamental vers l'homme nouveau, vers la libération, pas vers le concept, vers le bien-être, puis pas vers le concept non plus, vers soi. Puis encore là, pas vers le concept, c'est une réalité. Être capable de pas dire non, mais être capable de dire non. L'être humain qui dit toujours non, il dit non. Il faut développer le fait d'être capable de dire non. Alors, un soir, ça me tente pas, puis là, je me sens tout tiraillé parce que l'autre, il manipule. Non. Alors, on attaque. Pourquoi? Non. Alors, on continue à attaquer. Donne-moi au moins une raison. Ça, c'est le piège. Avancez-vous pas sur le tremplin. Mais la raison, c'est que ça me tente pas. C'est pas une raison. Parce que si vous donnez une raison, lui va vous la démolir. Parce que lui va avoir une raison comme lui. La raison que la personne vit tout de suite, c'est le oui. Alors, donnez-lui pas des raisons. Parce qu'à soir, je suis fatigué. T'es toujours fatigué. Parce qu'à soir, je file pas. On va vous en sortir. Non. Pourquoi ce soir, je dis non? Oui, mais il devrait avoir une raison. Oui. Non. Ou s'il veut absolument vous étrangler, vous dites oui, j'ai une raison. Ce soir, ça me tente d'essayer voir si je suis capable de dire non. Ben là, il est sur un mur bien raide. Puis le lendemain, je ne peux pas répéter la même chose. Ce soir, je trippe de dire non. Bon. Non, mais pensez-y, puis il y a des moyens. Mais faites attention, il y a des pièges, mais faites une autre chose aussi, il faut faire attention. C'est comment vous, vous allez empêcher les autres. Parce que vous allez employer les mêmes tactiques qui vous puent au nez quand c'est un autre qui l'emploie. Alors, l'humain doit être capable de dire non à ses propres structures manipulatrices vers l'extérieur. Il doit être capable de dire non à tout ce qui est manipulateur de l'extérieur. C'est réciproque, ce travail. Ce n'est pas unilatéral, ça doit être bilatéral. Je suis capable de dire non à toutes les tentations que vous avez de me charrier, mais je suis capable de dire non à toutes les tentations que j'ai de vous charrier. Viens-tu asseoir? L'autre, non. Ah, tu dis ça pour me niaiser, non? Parce que moi, hier, j'ai dit non, fait que là, tu as décidé que toi aussi, tu vas triper si tu es capable de dire non. C'est ça. S'auto-légiférer mentalement permet donc aux autres d'être libres. S'auto-légiférer motivement, ça veut dire que vous essayez de ramasser tout l'extérieur pour vous-même. C'est pour ça qu'on met des lois collectives. C'est pour ça qu'il y a une morale collective. C'est pour ça qu'on instruit collectivement. Parce que chacun est manipulé, charrié par son plein motif selon l'expérience qu'il a. Et là, on arrive à des guerres à ne plus finir. Guerre civile. Alors, être capable de dire non au niveau des individus, mais au niveau de toutes les formes de manipulation. Faites un travail traumatisant. Demandez-vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Et là, vous allez devoir écrire les réponses. Après ça, essayez de dire non à ce qui va essayer d'altérer ces réponses. Puis essayez de les appliquer, puis vous allez voir que ça va être souffrant parce que vous êtes assujetti à la conscience collective. Mais à un moment donné, vous ne serez plus assujetti à ça. Et le premier pas, c'est ça, c'est être capable de dire non parce que de cette façon, non seulement on s'individualise dans sa conscience, mais on garde énormément d'énergie. Pour soi. Ça va avoir une question, j'ai fini. Donc, c'est une bonne question. Non, je remarque, j'entends justement un gars, un antiquaire, il me disait, l'inverse est vrai aussi, je fais 40 ou 50 places où on me dit non, on veut pas les vendre, on veut les laisser pour nos enfants. Il dit, quand je frappe quelqu'un qui me dit oui, je suis tout décontenancé, soit que je charge trop cher, je me culpabilise, ou je charge pas assez cher, puis je suis pas satisfait de moi, tu sais. Le processus est vrai dans les deux sens. Au niveau de l'énergie, apprendre à dire non, comment faire? Tu disais tantôt, je pense que c'est une bonne piste. Faut dire non, mais sans frustration, sans agressivité dans la voix. Il faut que ce soit un non qui s'aille global. D'où? D'où c'est ça? Un non aussi réel que le oui, sinon plus réel que le oui souvent. Mais il est souvent agressif parce qu'on a trop dit oui alors qu'on devait dire non avant. Exactement. C'est la charge émotive. C'est ça. Qui est reportée. Et comme l'autre automatiquement vient toujours nous agresser quand on dit non, on le plante tout de suite à terre en criant, en disant de quoi de bien vrai, d'énormément énergétique, de trop brusque. Alors, il faut apprendre à vivre le non. Simplement, lucidement, implacablement, merveilleusement. Facile, dire non. Vous précisez l'intérêt d'une économie d'énergie par le non au plan cosmique. Bon, question intéressante. L'intérêt d'énergie par le non au plan cosmique. Donc, en regard avec l'évolution cosmique de l'humain, et non pas en regard avec l'évolution psychologique, en regard avec l'évolution planétaire et l'évolution de tout ce qui est extraplanétaire concernant l'humain, c'est ce que ça veut dire au niveau du plan cosmique. Bon, quelle que soit l'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, c'est une forme qui possède un temps et un espace. Donc, tout est énergie dans le domaine où l'homme évolue. L'énergie peut être connue sous forme de vibration. Donc, elle a un mouvement. Si elle a un mouvement, c'est qu'elle déplace de la matière pour qu'on puisse voir le mouvement. Si elle déplace de la matière, c'est qu'elle est elle-même matière sous un plan particulier. Et si elle a un mouvement, ce mouvement a une certaine vitesse, donc il dépend du temps. L'énergie, elle est connaissable sous forme de vibration. Dieu peut être une énergie pour certains, Dieu peut être une personne, ça ne change rien. Tout est relié à un mécanisme vibratoire et selon le niveau vibratoire, selon l'état de la vibration, on aura affaire à un mécanisme matériel, vital, relié à la vie, astral, relié au plan mémoriel émotif, mental ou supramental, un plan énergétique qui n'est pas encore planétarisé, mais qui a accès à la planète Terre par certaines personnes. C'est le plan de l'intelligence instantanée. L'économie d'énergie, le plan de l'énergie vitale planétaire, ce qui permet la vie, ce qui permet aussi la conservation des mémoires de la forme, donc ce qui permet à un ver de conserver sa forme, l'attraction moléculaire, c'est de l'attraction atomique, c'est de l'amour cosmique. Cette énergie vitale, elle est de même ordre que l'énergie supramentale, donc c'est de l'éthérique. L'énergie supramentale n'a pas présentement un accès libre au niveau du plan planétaire et de plus en plus l'humain détruit tellement la matière que l'énergie vitale de la planète est focalisée vers la reconstruction, la restructuration, l'adaptation massive de tous les phénomènes matériels et vivants planétaires. Cela veut dire que partout il y aura de la pollution, partout il y aura par exemple des pluies acides, il y aura destruction, donc transformation de la forme, donc démolition d'énergie vitale. Là où il y a démolition d'énergie vitale, l'énergie vitale de la planète se focalise pour empêcher, retarder ou si possible reconstruire, réinstaurer l'état qu'il y avait avant la destruction. C'est pourquoi l'humanité est de plus en plus fatiguée, pour la simple raison qu'il y a de moins en moins d'énergie vitale, d'énergie yin-yang et hominale, l'énergie manifestée par la vie, par la santé, l'énergie manifestée par les défenses biologiques contre les informations inécologiques de la maladie, énergie quelque peu manipulée par l'acupuncture. L'humain est fatigué. L'humain ne peut pas faire autrement qu'être fatigué pour la simple raison qu'il manque d'énergie. Il ne peut pas trouver de l'énergie dans son alimentation parce qu'il en manque. La terre en manque. Un repos est nécessaire. Un repos planétaire. Parce que même lorsque l'humain se repose, il n'a pas encore la faculté d'accumuler suffisamment d'énergie. Il y a des techniques de captation d'énergie qui existent. Et lorsqu'une personne les pratique, par ces techniques, elle peut arriver à capter autant d'énergie que son grand-père en captait en fumant, sans technique. Parce qu'à l'époque de son grand-père, lorsque celui-ci était jeune, il y avait tellement d'énergie vitale, il y en avait encore suffisamment pour que ces personnages ne soient pas fatigués. Puisse travailler. Il mourrait de d'autres choses. Et pas de fatigue. Pas de stress. Aujourd'hui, il manque d'énergie. Plus l'humain est capable de conserver le peu d'énergie auquel il a accès, plus il est capable d'augmenter son potentiel vibratoire, donc d'augmenter en énergie, ce qui l'amène un jour à avoir un contact avec son plan mental, à l'identifier, à le personnaliser, donc à le faire naître. Et lorsque son plan mental, lorsque l'énergie mentale chez l'humain, l'intellect, c'est le plan mental naissant, à la naissance, et qui est tout à fait assujetti au plan émotif. Lorsque l'énergie mentale est suffisamment puissante, l'être humain rentre en contact avec une autre forme d'énergie, terrestrement extraterrestre, une énergie qu'il va créer en contact avec une énergie extraterrestre. Je ne parle pas d'OVNI, je parle d'énergie structurelle extraterrestre. Et il va créer ce que j'appelle l'ajusteur de pensée. En contact avec son ajusteur de pensée, il va pouvoir poursuivre son augmentation énergétique, son raffinement terrestre au niveau des énergies. Alors, il va cesser à un moment donné d'être malade, d'être manipulé par les contextes très aberrants planétaires, et il aura accès à un savoir instantané qui ne demandera plus chez lui une perte d'énergie pour pouvoir conserver sa mémoire. Mémoriser demande de l'énergie. Lorsque l'humain arrive à avoir un contact avec ses savoirs instantanés, donc cette intelligence supramentale, il n'a plus besoin de mémoire, ce qui fait que lentement son ego est dissous, absous, supramentalisé, divinisé, dites ça comme vous voulez. Et l'être humain, à ce stade, commence à créer un double éthérique, commence à créer un double de lui-même au niveau personnalité, au niveau des corps, dans le monde supramental extraterrestre. Et ce double éthérique est la seule partie de l'être-té, de l'humain, qui n'est pas régi par le plan des morts. À partir de ce moment donné, lorsque l'être humain meurt de son corps physique, il ne meurt pas de la deuxième mort dans le plan astral, il se dirige non plus vers le monde des morts qui est très attrayant et qui l'attire, mais se dirige maintenant vers ce double éthérique qui est plus lumineux et plus attractif. L'intérêt d'économiser l'énergie au niveau cosmique, je crois qu'elle est évidente dans ce que je viens de dire. Ici, deux questions qui vont se résumer dans une. Comment peut-on dire non à la maladie et être atteint d'une maladie dégénérescente, incurable? Est-ce que c'est parce qu'on a dit oui inconsciemment à la maladie? Bon, cela va de soi parce que incurable devrait être dit incurable par la médecine connue. Et non pas incurable. Il faut bien comprendre la différence. Si incurable, il n'y a rien à faire. Pas de miracle, pas de... d'amélioration technologique, pas de découverte de médicaments, non, c'est incurable. Alors, si c'est incurable, non, il n'y a rien à faire. C'est incurable. S'il y a quelque chose à faire, c'est pas curable. C'est pas incurable, c'est curable. L'être atteint d'une maladie dégénérescente, incurable par les moyens conventionnels, est-ce que c'est parce qu'on dit oui inconsciemment à la maladie? Bon, le fait d'être incurable, déjà, il y a acceptation de la maladie. Une acceptation émotive, et non pas une acceptation mentale par le fait que, il faut bien accepter le fait que pour l'instant, vous avez un problème cutané. On ne peut pas dire non, il est là. Mais accepter émotivement dans la projection temporelle qui sera toujours là et qui sera encore pire parce qu'on vous a instruit qu'il serait pire, donc dégénérescent, et qu'il serait là parce qu'incurable, parce qu'on vous a instruit. Une chance que Pasteur n'a pas accepté ce genre d'instruction, parce qu'on aurait eu d'autres problèmes, et plusieurs autres. Comment peut-on dire non à la maladie? La maladie, c'est un processus dégénérescent d'une succion d'énergie vitale par d'autres ou par l'ego. Premier palier de guérison, trouver une raison intelligente d'être en santé. Et non pas une raison émotive. On peut pas être en santé parce qu'on veut. On peut pas être en santé parce qu'on est aîné. On peut pas être en santé parce que ça fait mal. C'est une raison intelligente d'être en santé. Bon. Deuxième palier de guérison, trouver les fuites d'énergie vitale qui se dirigent vers ce genre de maladie. J'ai déjà expliqué assez longtemps en conférence la guérison ésotérique et puis à un autre moment donné, une autre conférence, je me rappelle plus du titre que j'ai fait, où j'expliquais, peut-être en conférence spéciale, remarquez bien, quand je vais donc réexpliquer au cas, où j'expliquais les mécanismes de succion d'énergie par les personnes. Lors de la respiration, l'être humain capte de l'air, de l'oxygène, quelques gaz inertes, des gaz rares, un peu de pollution, et matériellement. Vitalement, ils captent ce que les hindous appellent le prana. Ils captent de l'énergie vitale. Cette énergie, elle peut être ionisée au soleil. Elle peut être ionisée la nuit, dans une région humide, une forêt, par exemple, au bord de la mer. Au niveau atomique, elle peut être ionisée, puis il y avoir des ions. Mais ce qui ne nuit pas. Des ions négatifs, ça va soit positif, c'est autre chose. La personne, lorsqu'elle capte cela, elle capte par ses voies respiratoires cette énergie vitale et elle en assimile très peu, mais un peu par ses poumons. Lorsqu'elle mange, elle mange. Lorsqu'elle mange, elle assimile l'énergie matérielle et énormément d'énergie vitale lorsqu'elle assimile des choses vivantes, des légumes, des fruits non cuits. Alors, normalement, chaque fois que l'ego puise dans l'énergie vitale d'un être humain pour pouvoir mémoriser, pour pouvoir se défendre dans des guerres d'ego, pouvoir rester lui, pouvoir être orgueilleux, pouvoir être peureux, pouvoir être aimant, pour pouvoir être stressé, angoissé, bref, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir penser. Il se doit de prendre de l'énergie quelque part chez l'humain parce que lui doit s'en nourrir. Alors, il puise dans le plan vital. Au de prime abord, il peut puiser dans le plan mental, ce qui fait que lorsqu'une personne est en colère, elle ne voit plus ce qu'elle fait parce qu'elle baisse de vibration au niveau mental, alors elle ne voit plus. Mais si, comme j'expliquais, si c'est en regard d'un comptable, par exemple, qui ne doit pas perdre son énergie mentale parce qu'il est déjà nerveux de faire des erreurs, il ne faut pas qu'il en fasse. Alors, lui va puiser dans les régions où on capte le plus d'énergie vitale. L'estomac, le système digestif, duodénum, normalement, et par la suite le reste du système digestif. Donc, normalement, une personne qui a différents genres de stress va avoir des ulcères, des problèmes digestifs, des constipations, des diarrhées et ce genre de mécanisme. Tandis que d'autres personnes vont aller chercher là où on prend aussi de l'énergie vitale, au niveau du système pulmonaire. Alors, on aura donc la cigarette, donc une habitude pulmonaire ou digestive, parce que de toute façon, c'est buccal, qui va déjà venir baisser les taux vibratoires pour pouvoir permettre une assimilation vibratoire pour par l'ego. Et il y aura encore des pathologies tout à fait pulmonaires qui peuvent se déclarer par la suite. Selon la partie de l'ego qui tête de l'énergie dans le plan physique, il y aura une pathologie correspondante qui va apparaître parce qu'on va prendre dans une région particulière du corps l'énergie vitale qui permet aux cellules de pouvoir se reproduire intégralement au rythme naturel. Pas trop vite, pas trop lentement. Le vieillissement, ils se reproduisent lentement et ils manquent tellement d'énergie qu'à un moment donné, ils se reproduisent différemment, ce qui fait que le corps se transforme, dégénère. Si c'est trop rapidement, souvent, le stress de la peur de mourir ou de la peur de vieillir peut déclencher une succion d'énergie dans certaines régions du corps et les cellules vont devenir folles, vont se reproduire rapidement. Évidemment, ça demande certains mécanismes génétiques, certaines mutations génétiques et certaines agressions extérieures. Et là, on peut avoir différents cancers. Il faut arriver à saisir la partie de l'ego qui vient sucer tel genre d'énergie dans tel phénomène corporel pour arriver à faire en sorte que cette partie de l'ego soit détruite ou encore qu'elle tête ailleurs. Et on a une guérison. C'est bien beau. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que moi, personnellement, je me fous que l'être humain soit malade. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'évolution locale de l'humain, ce n'est pas l'évolution biologique de l'humain, ce n'est pas l'évolution pathologique vers la santé de l'humain, c'est son évolution cosmique. Alors, si l'humain arrive à faire ce travail de contact avec l'ajusteur de pensée, si l'humain arrive à faire un travail réel d'auto-énergisation, d'ailleurs, c'est le but des conférences, instruire à ce niveau-là, l'humain va arriver à être capable de transmuer son ego en autre chose. Spiritualiser l'ego, oui, si on parle de l'esprit, si on ne parle pas du monde spirit, du monde des morts. Diviniser peut-être, supramentaliser. Alors, automatiquement, l'ego étant transformé, l'âme étant transformée en double éthérique, évidemment, le problème pathologique disparaît, veut pas. Or, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'évolution, tout vient. Tandis qu'une personne qui recherche à posséder des symptômes d'évolution, l'évolution ne vient pas avec ça. Alors, moi, je travaille surtout au niveau cosmique, donc au niveau intégral et non pas au niveau limité. Une chose est certaine, c'est qu'incurable, ça n'existe pas. Ben, ça existe. Pour ceux qui veulent. Mais ça n'existe pas cosmiquement. Ça n'existe pas cosmiquement. Comment se décharger émotivement afin de ne pas être agressif lorsque vient le temps de dire non ou en parlant tout simplement avec quelqu'un? Bon, ça, cette question-là, je ne réponds pas à ça pour la simple raison que Se décharger émotivement, on ne peut pas le cerner toute sa conférence pour la simple raison que les personnes peuvent vivre différents phénomènes émotifs. Alors, lorsqu'ils auront à parler, de quels phénomènes émotifs doivent-ils se décharger? Alors, selon les phénomènes émotifs, il y aura donc des choses différentes à faire. La plus importante, qui peut régler d'ailleurs tous les problèmes, mais encore là, ça peut devenir que du verbiage, c'est que la personne doit simplement prendre conscience que là, elle va dire non, donc elle doit s'arranger pour pouvoir manipuler sa voix, pour pouvoir être ajustée au niveau de sa parole dans la relation avec l'autre. Alors, même si à l'intérieur, il y a l'ego essaierait d'être de frustré parce qu'il est content, en fin de compte, de dire non, il a tellement été écrasé, il faut que la voix ne trahisse pas ce que l'ego veut dire. Alors, automatiquement, ça crée une relation, un échange de paroles qui peut être relativement bien. Alors, ce qui fait que ça, c'est de jouer un jeu, d'acter le fait que vous êtes serein et calme et dites non, même si en dedans, ça brouille. Mais ça l'instruit l'ego à la longue, que ça se fait, que tu n'as pas besoin de crier, que tu n'as pas besoin d'être en maudit, que tout marche bien, et ça permet tout de suite l'échange de relations qui va être un peu plus harmonieuse que si on se met à crier en partant. Se décharger des émotions avant pour pouvoir parler, normalement, l'être humain ne devrait plus vivre d'émotions à décharger. Il devrait garder des émotions qui sont constructives pour lui et il ne devrait plus accepter que naissent des émotions destructives pour lui. Ça, c'est une autre chose qui regarde le plan mental de l'humain et qui commence à apparaître lorsque l'homme, lorsque la femme deviennent ce qu'on appelle l'être nouveau, l'homme nouveau ou la femme nouvelle, c'est-à-dire lorsqu'à un moment donné, son énergie mentale arrive à vibrer un peu plus fort que son énergie égoïque, son énergie mémorielle émotive. Comment savoir quand il faut dire non lorsqu'une personne est impulsive et s'aperçoit souvent après coup des conséquences qu'elle n'avait pas prévues? Faut-il y aller instinctivement quand même? Bon, si c'est l'autre qui est comme ça, on le laisse faire. Puis si c'est soi qui est comme ça, instinctivement, il faut faire attention parce qu'instinctivement, au niveau psychologique et émotif, ça n'existe pas. On me disait à un moment donné comment arriver à combattre nos pulsions animales. Tous nos mécanismes animaux qui sont chez nous, qui font qu'on se bat, qui font qu'on saillit, qui font que... Et moi, je répondais presque en colère que les animaux n'haïssent pas, ne se battent pas, puis c'est pas des pulsions animales, des pulsions humaines. Alors, même chose. Comment savoir quand on doit se fier à notre instinct et aller avec l'instinct? C'est l'instinct animal, il n'y a pas de problème. Tu ne te chicanes pas, tu es en paix, tu ne veux rien savoir. Si tu n'as qu'une boîte de cornflakes, tu la divises en deux. Ou tu bouffes au coton, puis quand tu as fini de bouffer et tu as pris ce que tu pouvais, ben, on oublie. Parce que le lion, il se bat avec les autres, il bouffe comme un cochon, puis quand c'est fini, ben, il dorme tout un côté de l'autre. Ça, c'est l'instinct. Ça, c'est les pulsions animales. Mais pas les pulsions qui font que tu haïs, puis que tu veux te venger, puis que tu détestes, puis que tu es nerveux, que tu as peur 2 ans avant, puis etc. Non, ça, c'est pas les pulsions animales, ça. C'est les pulsions humaines. Comment se débarrasser de nos pulsions humaines? C'est ça que je parle, moi. Puis là, on me dit, ouais, mais là, on ne sera plus humain. Ça, c'est divin. Mais si tu veux pas, reste humain. Mais viens pas me parler des animaux. Hein? À un moment donné. Se fier à nos pulsions instinctives, ça veut dire se fier au charriage psychologique. Il n'y a pas d'instinct dans l'émotion. Il y a une programmation dans l'émotion. Il y a une programmation émotive qui fait que lorsqu'on te dit t'es laid, il faut que tu saches que ça doit te frustrer. Fait que quand tu répètes tout haut t'es laid, puis plus laid que moi. Fait que l'autre, il a appris la même chose que toi, fait qu'à un moment donné, ça devient pas mal laid. Puis si on dit t'es pas mal beau aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois pas te vanter, donc ça doit te faire rougir parce que tu résistes au compliment, puis en même temps, ça te flatte. T'as appris ça. C'est quelqu'un à qui on dit t'es beau aujourd'hui, ouais, je sais. Ah ben lui, il faut qu'on l'éduque, hein. Faut qu'on lui dise qu'il doit pas le savoir. Faut qu'il sente un peu mal, gêné, faut qu'il rougisse. Faut parce que, tu sais, à un moment donné, t'es beau aujourd'hui, je sais. Pas mal bon, toi, oui, merci, je sais tout ça. C'est frustrant, maudit, il sait. Il n'est pas humble. Il est bon, mais un pire, c'est pas ça, c'est qu'il sait. Ça, c'est drôlement traumatisant. C'est pas le fait qu'il soit bon, c'est le fait qu'il sache. Faut pas qu'il sache. Il faut qu'on lui dise. Faut qu'il me dise merci de me le dire, je le savais pas. Là, on est correct. Ah oui, c'est ça qui se passe. Alors, l'instinct au niveau émotif, non. Programmation, assujettissement, manipulation, collectivisme, oui. Se fier à l'impulsion instinctive, ça veut dire se fier à l'émotion du moment. Tu as le goût de donner une claque, tu donnes une claque. C'est pulsion humaine. Ah non, on ne sait pas l'instinct du moment. Si nous, on est une personne qui est impulsive, observez-vous. Tout. Ce que je veux dire par là, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes dans une conférence ce soir, merveilleux, peut-être vous allez revenir, peut-être que non, ça vous regarde. Mais vous continuez à faire ce que vous faites, alors vous avez déjà l'idée qu'effectivement ça nuit. Alors, ce qui fait que quand vous le faites, ne vous culpabilisez pas, observez comment c'était niaiseux. La prochaine fois, essayez de faire mieux. Puis si vous continuez 10 ans encore à faire des niaiseries pour vous, ça ne change rien. Au bout de 10 ans, à un moment donné, vous allez finir par arrêter de faire. Alors, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne change pas tout de suite, parce qu'on n'atteint pas le concept qu'on a visé tout de suite. Non, ça ne vous regarde pas le changement. C'est question d'énergie, c'est pas question de désir. C'est question énergétique, c'est pas une question de désir. Celui qui veut absolument comprendre et qui ne comprend pas, il a beau vouloir, il ne comprend pas. Celui qui ne veut rien comprendre, il dit quoi, paf, tu le traumatises bien raide, il vient de tout comprendre. Il ne voulait pas. C'est question énergétique. Pourquoi on dit lui trop jeune, cet enfant-là, on ne peut pas expliquer ça? C'est sûr, il faut qu'il accumule de l'énergie. Il faut qu'il finisse sa programmation neuronique. Il faut qu'il accumule de la vie, donc de l'énergie. Mais pour ça, il peut comprendre. Les enfants d'aujourd'hui accumulent ça très rapidement. Alors, on leur dit toujours qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais à un moment donné, c'est nous autres qui ne pouvons plus comprendre. Lorsqu'on a dit oui... Je t'arrête juste deux secondes, je vais juste répondre à une question ici. Alors, pour les personnes, pour la personne, je ne crois pas que ce soit tout le monde. Alors, il y a une personne ici qui veut savoir si... Alors, la personne, elle est divisée, elle est pluralisée. Elle s'appelle Claire, alors on va savoir c'est qui. Elle veut savoir s'il y a une partie de son ego qui est mauvaise, qu'elle appelle le diable, qui lui fait peur. La peur de mourir, et la peur que son âme s'en aille au diable. La peur des enfers. Je ne sais plus où on est, je comprends. Et aide-moi à éclaircir ce point. Je ne peux pas éclaircir ce point pour la simple raison que si moi je me mêle d'éclaircir ces points, cette personne ne pourra jamais, jamais arriver à s'en sortir seule. Elle va me têter comme jamais. Elle va devenir une sangsue évolutive et elle aura besoin d'un gourou, d'un maître, d'un dieu. L'évolution de l'humain n'est pas régie par l'humain. Si elle a peur, c'est une chose. Mais tout ce qu'elle a peur n'arrive pas et ne peut arriver pour la simple raison que ça ne regarde pas ses peurs. 99% des peurs que l'humain a sont des peurs qui n'aboutissent à rien. Alors qu'elle comprenne bien dans sa tête que tout ce qu'elle a peur, c'est de la farce, elle se fait charrier, elle se fait avoir. Je peux même dire qu'elle subit un viol psychologique, régulièrement, continuellement. Alors qu'elle se prenne en main, son âme ne peut pas aller au diable. Les enfers, on s'en fout parce qu'elle ne peut pas les vivre. Et elle ne sait plus où elle en est pour la simple raison qu'elle passe son temps à accepter toutes les informations qui rentrent dans sa tête. Comment savoir si dans ma naïveté, je ne me fais pas encore manipuler? C'est facile. Tu te fais manipuler. Bon. Des questions comme ça. Et comment éviter que cela fasse du mal à mon garçon? Je ne sais pas quand je pense et quand je ne pense pas. Branche-toi. Ça répond juste à toi, c'est suffisant. Il serait mauditement intéressant que tu commences à réfléchir aux questions que tu poses, puis que tu cesses pendant un laps de temps relativement long de te poser tout un paquet de maudites questions niaiseuses. Une question est niaiseuse lorsqu'elle nuit puis lorsqu'elle empêche d'avancer. Une question est intelligente lorsqu'elle a une raison d'être parce qu'elle permet l'amélioration. Une personne qui fait une tripée, se poser des questions, puis avoir peur, puis s'imaginer des choses, au lieu de s'inventer un monde positif, elle s'en crée un négatif, il faut qu'elle cesse de jouer à ce jeu-là. Lorsqu'on a dit oui et qu'on change d'idée, exemple, dans le mariage, on veut dire non. Comment s'en sortir au bout de 6 mois? Il y a suffisamment de conseillers matrimoniaux pour régler ce genre de questions. Je ne donne pas de ce genre de conseils. Le mariage est une initiation. Une initiation, c'est hautement positif, c'est hautement amélioratif. Ça peut être très bien vécu par un individu, par deux individus. C'est rarement bien vécu, mais ça peut. Il y a des mariages qui sont très beaux, des mariages qui sont très laids. Tous les deux ont leur fonction, améliorer l'humain. Si on a dit oui que maintenant on veut dire non, dites non à vos pulsions. Il faut savoir pourquoi dire non. Parce que ça ne nous tente plus, c'est pas ça que j'ai dit ce soir. C'est pas un non émotif, c'est un non mental. Non émotif, c'est comme un oui motif, c'est de la foutaise. Tu te dis un oui motif, ça va être un non émotif. Non, ça ne marche pas comme ça. Fait que, non, je ne donne pas de conseils là-dessus. Ça, c'est. Ça vous regarde. La vie de couple n'est pas si pire. Elle en a formé du monde. On veut toujours évoluer, mais on ne veut pas évoluer comme la vie nous fait évoluer. J'ai rencontré bien des personnes, moi, qui disaient je vais avoir un test. Bang, il y avait un test. Ouais, mais pas un test comme ça, je voulais. Je voulais avoir un test. Un test que tu poserais facilement, un test qui ne te teste pas pantoute. Ben, c'est ça. Bon, alors, l'initiation, l'évolution, c'est le même phénomène. Je serais bien mis dans un ashram au Tibet, au moins j'aurais la paix. T'aurais la paix. Ouais, c'est pour ça que tu t'es marié, hein? C'est parce que tu as besoin de quelqu'un. T'aurais la paix au Tibet tout seul dans un ashram 90 ans. Mon œil. Bon, ben c'est ça. C'est une initiation, c'est impeccable, merveilleux. Félicitations. Doit-on se justifier en disant non? Exemple, ben, dans notre système politique québécois basé sur la séduction, peut-on dire non à des lois confuses comme celle qui reconnaîtrait le bilinguisme? Les personnes doivent régir eux-mêmes leur propre conscience de loi. Alors, moi, je ne peux pas répondre encore une fois. On veut que je les régisse. Ce n'est pas mon travail. Mon travail est de brasser, de réveiller, c'est tout. Le système politique québécois basé sur la séduction, ce n'est pas le système politique québécois, c'est le système politique tout court. Peut-on dire non à des lois confuses comme celle qui reconnaîtra le bilinguisme? Bon, si on dit au Québec, on a une loi qui dit que c'est une province unilingue française et qu'on décide que nous, on est bilingues, qu'on met des pancartes, c'est de l'expression égoïque. C'est-à-dire qu'on essaie nous-mêmes d'appliquer nos lois émotives dans la société. On appelle ça de l'anarchie. Si nous, on décide qu'on trouve stupide le fait qu'on ait seulement une langue, alors partout où on va, ça ne nous dérange pas qu'il y ait deux langues, ou trois ou quatre, ou qu'il y ait juste l'anglais ou juste du grec, ça ne nous dérange plus. Mais nous, on ne le fait pas sur nos bâtisses pour la simple raison qu'on va simplement aller en dissonance vibratoire avec ceux qui sont régis par la loi collective unilingue. Alors, à un moment donné, on a des vitrines cassées. Alors, c'est ridicule. Alors, on est dans une société. La société, elle a quand même le droit d'avoir ses lois collectives. Et si on décide que c'est unilingue, ben, c'est unilingue. Si on décide que ça devient bilingue et que nous, on est unilingue, ben, on ne va pas casser les vitrines de ceux qui ont deux lingues. Si on décide que c'est unilingue puis on voit qu'il affiche deux, ben, on ne fait rien non plus. C'est pas nécessaire de l'appliquer. Si on veut l'appliquer, au niveau collectif, il y a une solution. La politique. Alors moi, j'ai des idées et je vois un paquet de choses qui ne sont pas harmonieuses dans l'éducation, dans la médecine, dans un paquet de mécanismes. Je parlais des loteries à un moment donné, donner ça comme exemple. Une personne qui gagne 100 000 $ devrait avoir un 5 000 $ retiré dessus pour la placer dans un cours de gestion et elle est obligée, si elle veut avoir son prix, d'aller suivre un cours de gestion. Alors, tous ceux qui gagnent de l'argent, elle ne le perdrait pas au bout de deux ans. Bon, c'est intelligent. Est-ce que je crie? Non, non. Si un jour je fais de la politique, ben, puis si je suis élu, je changerai des choses. Mais je ne m'en vais pas crier partout, non. Je fais des conférences ici où le monde vient, ou si le monde ne vient pas, moi, je ne vais pas les voir. À la radio, je m'ajuste très plate, parce que là, je ne vais pas aller chercher ceux qui ne veulent pas m'entendre, parce qu'il y en a qui ne veulent pas m'entendre pantoute, mais qui ne peuvent pas changer de poste. Bon. Alors, ce qui fait que je m'ajuste. Alors, une personne, moi, je m'auto-légifère, mais je ne suis pas nécessaire que je l'exprime partout. Je décide que le nudisme, c'est bon pour la santé, je ne prends pas l'autobus nu. Ça, il faut comprendre. Sauf que si je décide que je m'en vais dans un camp de nudistes, ma femme ne veut pas venir puis qu'elle me traite de ci, puis de ça, puis de ça, ben, je peux y aller pareil. Mais je ne la force pas à venir. Etc., etc. C'est ça, surtout légiférer. Si on a une question, vous êtes mieux attacher vos ceintures, quelque chose de rare. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transport séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Merci donc de la répéter. Faut que je la lise. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transfert séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Bon, la réponse est oui. Fait que c'est répondu. C'est ça qu'il voulait savoir. Ouais. Bon, oui, c'est très intéressant comme question. Il faut définir ce que c'est qu'une conscience archétypale, un processus de transport séraphique, ce que l'on tape à le départ de... Avec son double éthérique. Merci, ça se passe la comprendre. Bon. Tu as combien d'autres questions? Trois qui sont quand même assez courtes. Bon, on va passer tes trois questions courtes de bord avant, parce que celle-là, je pense que si je l'écoute... C'est pas écoutable. Oui, il y a pas de réponse. Comment savoir quand le refus d'aider le prochain n'est pas de l'égoïsme? Si le prochain tient absolument à ce que vous l'aidez, à ce que vous l'aidiez, vous êtes mieux de bien envisager le fait de l'aider. Une personne qui est en train de se noyer et qui a crié au secours, c'est sûr qu'elle veut absolument qu'on l'aide. C'est pas pareil. Mais lorsqu'une personne tend à vous manipuler pour que vous lui donniez un coup de main, la personne qui se noie, elle dit pas « Tu vas le regretter, tu vas aller en enfer, tu me sauves pas. » Non, non, non, c'est pour ça qu'elle tapote dans l'eau puis elle essaie de s'en sortir. Alors, elle manipule personne. Elle mérite qu'on l'aide. Tandis qu'une personne qui manipule, une personne qui vient aussi sucer de l'énergie, une personne qui est collante, une personne qui apparemment ne veut pas s'en sortir, ben là, il faut y penser à deux fois avant de vouloir l'aider. L'idée, ce n'est pas de savoir si c'est de l'égoïsme ou non, parce que l'égoïsme, vous allez pouvoir le juger à partir du concept moral que vous en avez. L'idée est de savoir simplement si vous le faites contre votre gré mental, ou si vous le faites parce que vous souffrez et vous voulez éliminer la souffrance, parce que vous avez une conscience qui commence à être ébranlée alors que vous voulez avoir une conscience tranquille, c'est ça le problème. Si vous aidez quelqu'un pour avoir bonne conscience, vous vous aidez, vous, mais avec un mauvais moyen. Si vous aidez quelqu'un pour ne pas souffrir, la projection que vous mettez dans cette personne-là, vous vous aidez, vous. Vous l'aidez pour ne pas souffrir. Vous vous aidez, encore une fois, mais mal. Alors, si carrément vous vous aidez, mais bien, c'est le même phénomène, c'est de l'égoïsme. Alors, il faut être capable de discerner entre un mécanisme écologique de relation. Enfin, j'appelle pas ça de l'aide, moi j'appelle ça une relation. Lorsque j'étais ambulancier, j'avais des relations avec des patients. Certains étaient en arrêt cardiaque, c'est donc une relation unilatérale. Certains étaient drôlement blessés, certains étaient juste malades, certains étaient fous, certains étaient dangereux, certains étaient ce qu'ils étaient. C'était une relation, je ne les aidais pas. Lorsqu'une personne âgée nous appelait et elle me disait « Pauvre vous autres, hein, on vous fait toute perdre votre jeunesse à vous autres les jeunes. » La seule réponse pour le brancher, c'était « Monsieur, on est payé pour le faire, c'est notre travail. » Vous perdez, on ne perd pas notre jeunesse. On fait ça 12 heures par jour. À l'époque, c'était des chiffres de 12 heures. Et puis, c'est notre travail, on est payé pour. Fait que là, la personne âgée, bon, ben, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Payé pour. Il vient même pas m'aider. Mais il est utile en maudit, par exemple. Fait qu'on devenait utile, on avait une relation parfaite, et puis il nous remerciait d'être emballé du service ambulancier, pas du service humain. Alors, il y avait une relation humaine, ça va-tu, on est des êtres humains. Mais on n'était pas sur l'ambulance comme des super-héros qui aidons le monde, qui souffrent. Parce qu'on aurait souffert, nous autres, en moussi, en maudit. Et imaginez-vous quand vous voulez absolument aider du monde qui souffre, que vous allez sur un arrêt cardiaque d'un enfant de 8 ans et que vous le perdez. Ben, vous souffrez en maudit si vous êtes pogné par ça. Si par contre c'est une relation, il n'y a rien à faire, c'est mécanique, c'est capote, ben voilà, vous ne souffrez pas plus. Alors l'appel suivant, quand vous devez être efficace, vous n'avez pas tout le carcan mémoriel de ce qui s'est passé, ce qui fait que vous redevenez 100% efficace, puis là vous restaurez la vie. Oui. Ça c'est d'être capable d'aider d'une façon écologique, intelligente. Lorsqu'une personne n'est pas réanimable, c'est fini, ça fait une heure qu'on travaille après, alors maintenant, il faut aider sa femme ou son mari ou ses enfants. On n'est pas pour s'en faire avec ça, il faut qu'on continue le travail. Par la suite, on revient dans le véhicule ambulancier, puis il y a d'autres appels. Le monde ne cesse pas de tourner. Si on est manipulé pour aider, pensez-y à deux fois. Si on n'est pas manipulé pour aider, observez mentalement, lucidement, il y a beaucoup de travail écologique qui vont permettre à l'humain de s'entraider. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui me disaient, Si je comprends bien, si ça te dérange pas, par exemple, qu'un enfant de 9 ans meurt puis tu puisses pas le réanimer, c'est parce que réellement, t'as pas d'amour. Et cette personne-là, elle me disait souvent que moi, je n'aimais pas. Alors, une journée, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ferait si son voisin, qui est alcoolique invétéré, qui est venu souvent faire des dégâts, et dans sa maison, tu le vois par la fenêtre, il vient de glisser sur une tache de vomissure, là. Il s'est pété la tête, il est sale, ça fait une semaine qu'il est là, il pue, il transpire, il a fait des dégâts parce qu'il n'est pas allé aux toilettes, il ne bouge plus. Mais il est vivant. Alors, toi qui aimes, qu'est-ce que tu fais? Ah ben j'appelle l'urgence santé puis la police. Oui, mais toi, tu vas aller voir. Ah oh, non, non, moi, je peux pas rien faire de toute façon. Ça serait une belle fille qui serait là, pas trop habillée. Ah, là, tu irais voir. Là, tu irais essayer de l'aider. Puis au pis-aller, tu appellerais l'urgence santé. Mais tu viendrais au moins avec les ambulanciers. Tandis que là, non. T'es là avec tes voisins. Hey, c'est-tu cochon? Hein? C'est-tu possible de laisser ça vivre dans la société? Ouais, t'es un de ceux qui laissent ça faire. Fait que tout le monde est attroupé, puis tout le monde trouve ça dégueulasse, tout le monde chiale contre le gouvernement, tout le monde chiale contre ceci, contre cela, pendant que celui qui apparemment n'aime pas est là pour le nettoyer, pour le rassurer, pour lui dire qu'on va l'aider, pour lui dire qu'il va s'en sortir, que ça va aller mieux. On le met dans notre ambulance, on salit tout, faut tout qu'on lave après, ça n'a aucune importance, on transporte un être humain qui a besoin d'aide, mais pas émotivement, c'est mental, c'est un amour intelligent. Ça surplombe toutes les formes d'amour humain. Alors, ce qui fait que, c'est ça, comment savoir si on est égoïste ou pas égoïste, si on est manipulé, pensez-y à deux fois. C'est libre de le faire, plus souvent qu'autrement, c'est impeccable qu'on le fasse. Ça ne veut pas dire que vous regardez par votre fenêtre, là, puis lui, vous ne manipulez pas à l'aider, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Là, vous êtes manipulé par vos concepts. C'est une manipulation quand même. Si ça vous fait souffrir de ne pas le faire, pensez-y. Si ça ne vous fait rien de ne pas le faire, vous êtes libre de décider. Une nuance majeure. Ça ne vous touche pas, ça ne vous fait rien. Vous êtes libre de décider. Là, vous pouvez décider. Tu nous as déjà dit que tu apprenais lorsque tu donnais des conférences. S'il vous plaît, expliquez. Ben, je me trouve intéressant quand je parle. J'apprends. Une personne qui a accès au savoir instantané, ce n'est pas un surhomme dans le sens que, égoïquement, elle a des possibilités que les autres humains n'ont pas. C'est pas ça que je suis, moi, tout. Si j'emploie le terme homme nouveau et non pas le terme surhomme, comme Sri Aurobindo avait amené. Aurobindo avait amené surhomme, mais aux Indes, ce terme traduit dans sa langue est un terme qui n'est pas péjoratif, qui ne frustre pas. Alors moi, j'ai amené homme nouveau. Un homme nouveau, donc un homme ou une femme, évidemment, par la langue française, qui a une nouvelle façon de vivre sa conscience, qui a une nouvelle conscience des choses, qui n'est pas reliée à la conscience archétypale de tout ce qui a été passé et vécu par l'humanité avant. Lorsque je fais des conférences, évidemment, on me pose des questions. Normalement, on m'en pose une, puis après ça, ça va. Lorsque l'on me pose des questions, ça va bien pour la simple raison que je me mets simplement en résonance vibratoire avec l'énergie qui a pu permettre la création de cette question et automatiquement, cette énergie a la réponse. Alors, je parle, c'est-à-dire que je ne pense pas. Si je me mets à penser, cela veut dire que je vais confronter mon savoir instantané avec mon bagage expérientiel, avec mes mémoires. Je vais automatiquement les colorer, ajuster ce savoir instantané et je vais donner par la suite une connaissance. Je peux dire, je connais ceci. Tandis que présentement, je ne connais pas les réponses, je les sais. La nuance majeure, c'est ceci. Connaissez-vous que vous vivez? Non, vous le savez. Est-ce que vous pouvez dire, je sais la mécanique? Non, je connais la mécanique. L'un est expérimental, l'un est expérientiel, vous l'avez appris, vous l'avez vécu, vous l'avez cumulé en mémoire. Tandis que l'autre phénomène, vous ne pouvez pas dire, je sais que je vis parce que je l'ai appris. Les yeux bandés dans un bain flottant, vous avez toujours une conscience d'identité, c'est ce savoir. Être régi par un savoir instantané, c'est donc d'avoir la faculté de ne pas être régi par l'expérience. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'humain expérimente un mécanisme pour pouvoir en parler. Et je n'ai pas, moi, besoin d'expérimenter des mécanismes pour en parler. Donc, lorsqu'on me pose une question, je réponds, répondant, j'amène une énergie qui m'instruit, donc j'apprends. Mon ego, égoïquement, apprend lorsque moi, strictement parlant, je parle. C'est ce que je veux dire. Et c'est pourquoi je fais des conférences lorsque je n'aurai plus besoin de ce genre d'apprentissage. Ben évidemment, je ne fais plus de conférences. Et c'est pour relativement bientôt. Quel est le processus de vérification afin d'extirper ce qui est intelligent de ce qui est du ressort collectif? Intelligent peut aussi être fait, disons, copié par la collectivité. Ce n'est pas intelligent parce que la collectivité ne le fait pas. Ça peut être très intelligent et fait par la collectivité. Sauf que vous devez le faire parce que pour vous, ça vibre intelligemment et non pas parce que c'est ça qui se fait. C'est ça qu'il faut faire. Bon, la question. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transfert séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Bon, asseyez-vous. Évidemment, pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui viennent de très temps en temps, il y a des termes qui sont nouveaux. Lorsque l'on parle de médecine à des médecins, on emploie des termes qui paraissent réellement bizarres pour les personnes qui ne connaissent pas la médecine. C'est normal. Si l'on parle d'infarctus du myocarde, si l'on parle de points sinusales, si l'on parle de fibrillation, si on parle de paquets de mécanismes dans le genre, bien évidemment, ça passe au-dessus de la tête de ceux qui n'ont pas de connaissances médicales. Si on parle de physique, c'est les mêmes mécanismes. Alors, au niveau d'une conscientisation, cela va de soi que la terminologie française ne contient pas tous les termes nécessaires au transport d'une vibration que l'humain appelle une connaissance. Alors, de temps en temps, on doit inventer des mots. On doit réajuster un langage. Et lorsqu'une personne, disons, vient pour la première fois dans un endroit où on a un langage nouveau, ben, il faut qu'elle s'ajuste. Le mal, il faut le prendre en patience et après quelques temps, le mot « ah », on sait ce qu'il veut dire. Il devient drôlement intéressant. Prenons l'exemple de stress. Stress, c'est un ingénieur qui a inventé ce mot parlant de la structure métallique qui, à un moment donné, devient fragile et se fragilise et casse. Il a dit « c'est du stress ». Lorsque le ciment devient stressé, il brise. Et à un moment donné, on a pris le mot « stress » matériel, mécanique, et on l'appliquait à l'humain. L'humain se stresse. Dans le début, personne ne comprenait. Comment veux-tu qu'un humain stresse? Tu le plies d'un coup, il casse? Non, c'est figuré. L'humain vit le stress comme la matière. L'humain vit une vibration qui le fragilise, qui le rend fragile. Et à un moment donné, il y a rupture, dépression. Le stress. Alors, c'est le même phénomène pour certains termes. Alors, pour définir la conscience archétypale du processus de transport séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique, c'est une maudite question. Alors, on va apprendre un peu. La conscience archétypale, premièrement, c'est une conscience qui est régie par tout ce qui a été instruit à l'humain depuis que l'humain est humain sur le plan planétaire et qui oblige l'humain à penser dans une structure préétablie qui lui permet d'envisager des choses comme toute la planète devrait l'envisager. Conscience archétypale, Dieu en est une. La mort en est une. La mort, mort. La vie après la mort en est une. Tous les mécanismes d'évolution de retour vers le Créateur. Le Créateur, c'est une conscience archétypale. Parler de la conscience archétypale du processus de transport séraphique voudrait dire parler du processus qui va muter, transformer la conscience préétablie pour l'humain lorsqu'une personne vivra un processus de transport séraphique, lorsqu'elle vivra le décès de son corps physique, tout en ayant un contact vivant avec son double éthérique de son vivant. Cela veut dire que lorsque le Nazaréen est mort sur la croix, parce qu'il est mort sur la croix biologiquement, mort sur la croix, mais évidemment, le Nazaréen n'a pas vécu la deuxième mort, donc il n'est pas entré dans le monde des morts. Il a été dans le monde vital qui sépare le monde apparemment vivant matériel du monde des morts. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi la descente aux enfers. Et il a été rejoindre son double éthérique par transport qui n'était pas séraphique, n'a rien à voir avec les séraphins. Et il a rejoint son double éthérique, ce qui a permis au double éthérique d'être finalisé par le contact du reste de l'ego du Nazaréen, du Christ, pour ceux qui ne savent pas. Et automatiquement, le corps du Nazaréen était mort. On l'a mis dans un tombeau. Le double éthérique a puisé le reste de l'énergie vitale du corps physique, ce qui a fait que le corps physique du Nazaréen a été désintégré en dedans de quelques heures. Et c'est pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Et par la suite, le Nazaréen s'est présenté à ses apôtres dans un corps lumineux. Le double éthérique est un corps de lumière et qui, dans une vibration plus basse, peut être aperçu par des humains, peut même être touché. La conscience archétypale a donc été transformée lors du passage du Nazaréen au niveau de l'instruction planétaire parce que par la suite, on a pu penser que l'être humain pouvait être un fils de Dieu et non pas seulement un serviteur de Dieu. Parler de la conscience archétypale lors du processus de transport séraphique. Donc, lorsqu'il y aura un processus de transport séraphique, cela voudra dire que le double éthérique a déjà été séraphiquement transporté dans d'autres mondes que le monde de notre petite galaxie. Et cela veut dire que l'être humain qui meurt et qui a un contact avec ce double éthérique, par transport énergétique séraphique, pourra aller vivre ce contact du double éthérique dans un plan qui est supramental, mais qui n'est pas terrestriellement relié à l'évolution de l'humain sur la planète. Cela voudrait dire qu'un humain qui vivrait un processus de transport séraphique après sa mort serait un humain qui n'a plus rien à voir avec le processus expérimental, expérientiel et évolutif de l'humanité. Cela voudrait dire que cet humain n'est plus un humain, qu'il ne sera plus jamais un humain, qu'il ne se réincarnera plus jamais et qu'il n'a absolument plus rien à faire dans l'évolution de la planète. Le Nazaréen n'a pas eu de transport séraphique étant donné que le Nazaréen est resté relié au plan évolutif de la galaxie. Si on parle de Lazare, celui que le Nazaréen a initié au contact du double éthérique, celui dans les mains duquel le Nazaréen a remis toute l'évolution successive à sa disparition de sa parole, le comte de Saint-Germain, Lazare. Ce personnage relativement mystique n'a pas vécu non plus de transport séraphique. Par contre, il est resté régi dans son double éthérique à l'évolution de notre système solaire, ce qui fait que ça a été le premier qui a pu vivre une initiation solaire réelle. La conscience archétypale d'un personnage, la conscience archétypale qui régit l'évolution de la planète Terre au niveau des archétypes, donc des mémoires fondamentales de l'humain. Chaque être humain, aussi petit ou aussi grand soit-il, lorsqu'il a une conscience planétarisée, archétypée, se voit automatiquement régi par la recherche d'un père, d'un dieu, d'un créateur. Et ça, c'est un archétype donné par les intelligences de l'esprit de l'humain à l'ego de l'humain, de façon à ce que l'humain accepte sa condition expérientielle de vie planétaire. Ce processus archétypal, lorsqu'il aura été altéré par le passage mémoriel d'un personnage qui vivra un transport séraphique lui permettant d'échapper à l'évolution de notre galaxie pour aller rejoindre son double éthérique, qui aura déjà été transmué là-bas en transport séraphique, laissera une trace tout à fait bouleversante à nos niveaux de l'échelle évolutive archétypale pour la simple raison qu'à partir de ce moment, si ce phénomène pourrait arriver, mais plus tard. Si ce phénomène arriverait, disons, d'ici aux 100 prochaines années, cela voudrait dire que chaque être humain dans sa conscience fondamentale se réveillerait un matin en disant « Créateur, je ne crois plus à ça. » Il y a quelque chose d'autre qui serait instruit chez lui pour lui permettre de fonctionner et ça serait une altération du premier archétype donné par son esprit, ce que l'être humain appelle Dieu de temps en temps, à l'humain. Alors, c'est ce qui arriverait à la conscience archétypale si ce genre de transport séraphique se ferait après le décès biologique d'une personne qui, évidemment, ne transpercera pas le monde des morts. Lors de la conférence sur « Pourquoi allez-vous mourir? », on a relativement parlé des mécanismes qui permettaient à l'humain de transcender sa vie et qui permettait ou qui obligeait l'humain aussi à vivre une deuxième mort. La semaine prochaine, de toute façon, nous allons aborder le sujet « Pourquoi vivez-vous? » Et normalement, je poursuis mes conférences selon l'élan avec laquelle je finis la dernière. Au niveau de cette question ici relativement intéressante, ça m'ouvre une porte sur le mécanisme qui permet à l'humain d'échapper à la mort, qui permet à l'humain, dans les temps que nous vivons actuellement, de créer ce double éthérique qui a été créé par certains êtres que l'humain ancien appelle des saints, pas tous les saints, parce qu'on en a synthétisé quelques-uns, mais disons par certains saints. Ah, c'est un fait, on synthétise des saints. Des saints synthétiques. Mais ce qui fait qu'il y a donc des... Pourquoi vivez-vous? Ben, vous vivez simplement pour ne plus mourir. Et comment fait-on pour ne plus mourir? Il faut bien prendre conscience de prime abord que l'être humain ne vit pas que dans un corps physique. Et lorsque le corps physique part, l'humain n'est pas mort. C'est-à-dire que l'individualité, la personnalisation, l'identification, l'expérience, la mémoire de l'humain n'est pas disparue. Et dans le monde, entre les morts, entre le monde de la matière, exprimant la vie, le monde de la vie sans matière, énergie vitale, qui constitue l'enveloppe de l'âme, le périsprit, il y a un cheminement, une lumière attractive qui vient du monde des morts et dans laquelle, à la porte de ce monde des morts, on va retrouver les personnes qu'on connaît qui sont déjà disparues parce qu'ils ont laissé leur impression en traversant le monde des morts. Alors, on revoit ses parents, son oiseau, son chien, ce qu'on a aimé. Et ces phénomènes nous attirent, nous disent de venir, nous montrent le chemin, nous éclairent d'une lumière. Et là, la personne qui est insécure, elle peut être aidée par les prières de monastères, de différentes religions sur la planète qui vont essayer de diriger le mort vers le monde des morts pour qu'il n'ait pas à souffrir le phénomène de fantomatique de vie sur le plan planétaire sans corps physique. Et là, on est attiré par ce monde des morts et on se dirige vers le monde des morts et on accote le monde des morts avec notre âme et lentement, on pénètre le monde des morts parce qu'on nous attire, on nous montre le chemin et là, on meurt. Suite à cela, les processus réincarnatifs ne sont pas ceux qui sont enseignés convenablement, conventionnellement. La personne ne se réincarne pas individuellement dans un corps, et c'est pourquoi elle ne peut pas se rappeler de ses vies antérieures, parce que comme telles, ses vies antérieures ont été fusionnées aux vies antérieures de d'autres. Le monde des morts est le ciel. Le monde des morts est un endroit qui n'a rien à voir avec les cieux du Nazaréen, qui font partie des plans extraterrestres, le premier étant le plan supramental. Et la personne, elle a donc un pouvoir, elle a une facilité aujourd'hui, de pouvoir transcender le monde des morts, cela veut dire de pouvoir échapper au monde qui régit son évolution sur le contexte planétaire, l'humain, présentement à l'échelle nord planétaire, donc ce qui regarde l'humain du Québec, entre autres, parce que pour l'instant, je fais des conférences au Québec, ça va venir pour l'enfroyeur. Pour l'instant, l'humain a la possibilité d'échapper à ce monde des morts. Il y a une possibilité qui la connaissent ou non, ne change rien, mais il est bien évident que lorsque l'humain se sent énergisé par cette faculté de pouvoir échapper au monde de la deuxième mort, donc au monde des morts, l'humain arrive à se diriger vers une, en outre la création du double éthérique, à se diriger vers un désassujettissement complet de tous les mécanismes qui archétypalement régissent l'évolution de l'humain sur la planète. L'humain, fondamentalement, sait qu'il meurt. L'humain, fondamentalement, a l'impression de revenir. L'humain, fondamentalement, sait qu'il n'y a pas de disparition totale, mais qu'il y a mutation. L'ego en a peur. Pourquoi l'humain a peur de la mort? Non seulement parce qu'il ne la connaît pas bien. Il la connaît un peu. Il sait des choses. Il sait vibratoirement, mais il ne sait pas dans sa conscience parce que l'ego rejette le contact avec le monde des morts. Les seules fois où l'ego le recherche, c'est dans un monde mémoriel où l'ego essaie d'entrer en contact avec des personnes disparues et à un moment donné, après quelques années, piout, ces personnes disparues ne communiquent plus. Parce que maintenant, elles ont été digérées par le plan des morts, donc ces personnes disparues sont tout à fait mortes. Ils sont vibratoirement vivantes, c'est-à-dire que la forme disparaît, mais le constituant est immortel. L'identification dans la forme n'est plus. Alors, présentement, il y a des mécanismes qui peuvent permettre aux individus, d'ailleurs, ce sont des mécanismes évolutifs, qui sont régis par l'évolution cosmique et non pas par l'évolution égoïque de l'humain, qui peuvent permettre à l'humain d'échapper à ce monde des morts, non pas parce qu'il ne veut plus, non pas parce qu'il veut survivre, pour la simple raison que cela fait partie des processus d'évolution de l'humain. Cela fait partie des processus de contact entre les plans terrestrifiés de l'humain et les plans extraterrestrifiés de l'humain. Cela veut dire que cela fait partie des plans de fusion entre l'humain et son double et son esprit. Lorsque l'humain entre en contact avec lui-même, lorsque l'humain se sent dans son énergie, et quand je dis en contact avec lui-même, je veux dire que lorsque l'humain entre en contact avec son esprit, et cet esprit ne peut pas survivre le plan planétaire sans risquer d'être bassement énergisé, donc d'être sucé en énergie, c'est-à-dire d'être humanisé. Lorsque l'on dit dans la Bible que Dieu s'est fait chair, il n'avait pas le choix. Tout ce qui est au-delà de l'humain ne peut connaître l'expérience de la planète sans passer par l'humanisation. Sinon, cela passe par des contacts style melchisédien, cela passe par des contacts énergétiques supramentaux, mais ces phénomènes ne peuvent pas expérimenter la matière. Il n'y a pas d'énergie divine qui ne puisse expérimenter l'énergie de l'homme sans passer par la forme humaine. Et l'humain est d'ailleurs une énergie divine humanisée, terrestrifiée, pour pouvoir faire une expérience planétaire, une expérience matérielle. De toute façon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir plus tard. Alors voilà, ça répond un peu à la question. Si, Daniel, ce processus-là, que tu viens d'expliquer, bien élaboré, le processus du transport séraphique se produirait présentement pour un personnage, ça veut dire que la révolution intérieure serait encore plus grande que le Nazarien parce qu'il n'y aurait pas une porte ouverte. Là, attention, le processus séraphique de transport peut se faire tant que l'individu reste vivant. Ça a déjà été expérimenté, c'est connu et c'est prévu par l'archétype qui dirige l'évolution émotive, mémorielle, spirituelle de l'humain. Tandis que si un transport séraphique, le transport séraphique se ferait là, ensuite au décès matériel de l'humain. C'est autre chose. Si on revient à une question peut-être un plus simple, on a parlé à soir de la possibilité de dire non, de oui, quand c'est nécessaire. Mais si on regarde à la verticale, face à notre ajusteur de pensée, est-ce que l'être humain doit toujours dire oui à l'ajusteur de pensée? Non, pas, absolument pas. L'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme énergétique qui, à un moment donné, répond à vos questions. Mais répond d'une façon non expérientielle, c'est-à-dire que vous allez avoir les réponses que vous allez devoir vous dire. Et où c'est que j'ai pris ça? Mais à un moment donné, vous allez vous coucher, puis là, ça va vous répondre. Tu dors plus. Le disque tourne. Que ce soit un disque émotif, un disque astral, ou un disque intelligent, à un moment donné, c'est achalant. Alors, tu dois couper le contact avec ton ajusteur de pensée. Tu dois dire non. Tu as, et évidemment, l'humain qui veut absolument se plugger quelque part, qui veut rencontrer un Dieu, qui veut être sauvé, qui veut être n'importe quoi, il dira jamais non lorsqu'il y a le contact. Mais il reste tellement plugué ailleurs qu'en fin de compte, il ne vaut plus rien sur la planète. Alors, à un moment donné, l'ajusteur de pensée va prendre de l'expérience, parce que les ajusteurs de pensée, on l'a déjà vu dans la conférence sur les ajusteurs de pensée, non, ils ne sont pas tous expérimentés. À un moment donné, l'ajusteur de pensée coupe le contact. Alors, la personne pluguée finit par être dépluguée parce qu'elle ne plug plus. Parce que là, elle souffre dans sa mémoire de l'expérience qu'elle a vécue. Elle la recherche, elle la redésire, elle la reveut. Donc, elle ne vit pas comme elle vivait lors du contact, ce qui fait qu'elle n'exprime plus les mêmes mécanismes qui lui ont permis d'arriver au contact. Celui qui est serein, qui se fout royalement de Dieu, puis qu'à un moment donné, on lui parle dans sa tête, puis on lui dit « Allô, allô, coucou, je suis Dieu. » Ce personnage-là, une fois qu'il a eu le contact, il va avoir le contact avec Dieu. Mais là, il n'est plus dans le même état qu'il était la première fois qu'il a eu le contact. C'est pourquoi que lorsque l'humain l'expérimente et le perd, il a beaucoup plus de difficultés à le revoir, parce qu'il le veut. Tandis que normalement, quand tu ne veux plus, c'est là que ça se passe. Lorsque c'est expérimenté, bien là, tu le sais, là. Alors, non seulement tu le connais, mais tu le sais que ça se fait. Alors, l'ego qui le connaît, se fient sur le fait que le mental sait, veut absolument revenir là. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, ce nom-là, il n'est pas plus difficile à dire qu'un nom avec un autre être humain sur le plan matériel. Exactement, et le nom doit être respecté de la bouche de n'importe qui. Il doit être respecté lorsqu'il est respectable, c'est-à-dire qu'il doit être respecté lorsque c'est écologique, c'est-à-dire qu'il doit être respecté lorsque le nom n'est pas nécessairement dit. Il doit être respecté simplement lorsque, mécaniquement, logiquement, ça n'empêche rien dans vos agissements évolutifs. Mécaniquement et logiquement, et non pas émotivement. Alors, tu vas voir un prêtre et tu lui dis, il faut absolument, absolument que tu passes 2 heures avec moi, là, il faut que je comprenne des choses. Le prêtre te répond, non, j'ai pas le temps. Bien là, il faut que tu respectes le nom. Mais lorsque c'est le vendeur, là, tu m'as vendu un char 2 fois trop cher, puis je vibre mal, il faut absolument que tu parles avec moi, qu'on règle ça, le vendeur te dit non. Là, c'est plus pareil. Mécaniquement, ça nuit parce qu'il vole au niveau financier. Donc, ne pas être capable de dire non, c'est pas se respecter. Ne pas être capable de dire non, c'est effectivement se renier. Le respect n'a rien à voir, mais c'est se renier. Tu te renies. Tu te dis non à toi parce que tu n'es pas capable de dire non aux autres. C'est ça, le reniement. Alors, si tu dis non aux autres, tu es capable de te dire oui à toi un peu plus. Puis commençons par aider celui qui est le plus proche de soi. Soit.